Ça commence. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir. Bienvenue dans ce 54e épisode du podcast du collectionneur. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça donne un rythme. On dirait Van Lock. Van Lock ? Non, je le ferai pas. Promis. Mince. Ah, j'ai le nez bouché, ça va pas le faire. Bon, bonsoir messieurs, dames. Il s'agit du numéro 54 du podcast du collectionneur. Et on est là en grande forme. Attention, on sent le printemps arriver. On est au taquet. Et ce soir, on va parler de non pas de quel jeu auquel on joue, mais de avec quoi est-ce qu'on joue au jeu. C'est ouf, c'est tellement bien dit. On va parler évidemment des contrôleurs et des différentes façons de des différents accessoires périphériques qui nous permettent de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Et à la fin, si on arrive à faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, je présenterai un jeu. J'ai peur. Mais non. Tout va très bien se passer. On est prêt. Donc, sur le coup, on va pouvoir passer, commencer par les petites news habituelles. Je suis en train de parcourir les news et dis donc, il n'y a que du Sega, c'est énorme. Oui. Alors, il y a des entreprises qui commencent à comprendre que le rétro, c'est l'avenir. Et donc, Sega, ils sont au taquet en ce moment. Avec déjà donc la ressortie au Japon pour l'instant uniquement, on attend ça incessamment sous peu, imminemment en Europe, de Alex Kidd in Miracle World sur Nintendo Switch, dans la fameuse collection Sega Ages, accompagné de petites babioles comme un joli layout, comme d'un son FM inédit en Europe auquel on n'avait pas droit, il va y avoir sans doute d'autres petites bricoles ou d'autres petites douceurs à l'intérieur pour vous faire acheter ce jeu qui est vraiment, avec le recul, l'emblème, je pense, de la Master System pour tout le monde. Oh. Et le plus agréable à jouer de la série, presque. Oui. Alors, le meilleur Alex Kidd de la série, oui, ça, en même temps. Le Shinobi World était très bien. Ah oui, il y a le Shinobi World, mais bon, est-ce qu'il est vraiment canon ? Ça y est, c'est canon. Il est, et c'est déjà pas mal. C'est pas canon. Stars et... Hightech World. Il reste quoi après le jeu de BMX aussi ? Il y a le jeu de BMX de l'enfer, il y a le Hightech World, le Lost Star. Le Hightech World qui n'est même pas un Alex Kidd. Hein, ouais, mais alors juste, ça, par contre, c'est ça. Et donc voilà, Alex Kidd, vous êtes prêt à racheter donc ce Alex Kidd Miracle World pour ceux qui, comme moi, ont mis des années avant de prendre leur revanche parce qu'à l'époque, je ne l'avais jamais terminé, je ne l'ai terminé que bien plus tard. Mon assistante ici présente ne l'a jamais terminé. Et je pense que voilà, à l'époque, on était pas mal à s'être cassé les dents sur ce jeu. Je l'avais terminé à l'époque. Et on apparemment, pour la version européenne, on aurait bien droit à la version avec hamburger. Non pas la version avec onigiri, ça a l'air très important. Dans les news, ils précisent également que la version japonaise bénéficie soi-disant d'une musique supplémentaire pour les phases en moto. Elle était déjà présente dans la version européenne, cette musique supplémentaire. C'est la version japonaise qui n'a pas la musique des phases en moto. La fameuse tili-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li n'existe pas dans la version japonaise. C'est que dans la version occidentale. Ah oui. Bref. J'ai la musique dans la tête maintenant. Sur le coup, eh bien, on va retrouver ça incessamment sous peu. Voilà, c'est un des jeux de mon enfance, un jeu que j'aime beaucoup, toujours aujourd'hui, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je pense que tous ceux qui ont une Master System l'aiment, ce jeu. Voilà. Alors, ensuite, on va sauter à je vais presque laisser Moa en parler, vu que c'est Moa le spécialiste. Il semblerait que tu aies passé une petite commande auprès de nos amis de chez Analog. Ah, j'ai acheté la Sega SG. Non, c'est pas ça. Méga SG. Et justement, exactement comme ils avaient fait avec la Super NT, où ils avaient inclus une version inédite de Super Turrican, Analog a décidé de donner un petit bonus dans sa Méga SG et d'inclure un nouveau jeu Mega Drive inédit. Inédit, ouais. Et qui était donc à la sortie. Voilà. Qui était quasi terminé. C'est. Ouais, en plus. Un jeu qui. En fait, ils avaient. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont annoncé que ce jeu allait sortir. sur Steam peut-être, enfin je sais plus, ils ont dit le jeu va sortir, on l'a retrouvé, on va le terminer. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'ils allaient le foutre dans la, justement dans la, méga SG. Et ce jeu, il s'appelle, il répond au doux nom de Hardcore. N'empêche, quand ils disent Mega Drive et Amiga, on sent beaucoup plus l'influence Amiga que Mega Drive. Oui. Bah, ça reste un jeu Factor 5. Oui, non, mais ça se voit. Oui, bah oui. Ça se voit. Ça reste un Turrican. Ouais, non, mais ça se voit. Hein. Ça fait vraiment Amiga plus que. Ouais, mais c'était toujours des réussites en plus. Hein. Les jeux Amiga Atari sur Mega Drive, ils étaient toujours bien faits, je trouve. Non, mais c'est toujours bien de découvrir des jeux inédits, quoi. Encore maintenant. Bien. C'est, je sais pas si c'est un argument commercial, mais c'est un petit bonus. Supplémentaire sympathique. Je pense que les gens qui achèteront la Super SG, c'est pas pour ça qu'ils vont l'acheter. Comme mais effectivement, c'est déjà bien. C'est pas mal. Ils avaient fait pareil pour la Super NT hein, avec Turrican, la Director Scott. Il n'y en avait pas deux, non ? Hmm ? Moi, je confonds. Il n'y en avait pas deux Super Turrican, non ? Je sais pas. Sur quelle console, pardon ? Voilà, sur la Super NT ? Sur la Super NT, non, il n'y a que le premier. Ok, je Il n'y a pas Super Turrican 2 dans la Super NT, non y a... Non, mais par contre, je suis en train de me dire, il y a peut-être la version Director Scott et la version pas Director voilà, Scott. Ouais. Ah, bah c'est ça, ouais, d'accord. Ok. Ça, c'est possible. Je sais même plus. Non, mais je crois que chez Analog, en fait, ils ont un catalogue de jeux Factor 5 jamais fini. Non, et en fait, ils vont les sortir à chaque console. C'est un catalogue de Turrican. Alors, j'ai hâte pour le Turrican sur Atari 2006. Ou alors la Game Boy NT, on verra. Ah, bah ça, par contre, si ça sort un jour, c'est Day One. Plaisante. Bon, ensuite, petite belle, tu nous as parlé. Ils ont, pardon, excusez-moi, j'interromps. Oui. Ils ont bien mis Super Turrican 2 aussi. Hein. Ah d'accord, il y a aussi Super Turrican 2. Très bien. Pour la Super NT, voilà. Voilà, le jeu avec le grappin. C'est un grappin. C'est bien. Et donc, je disais, donc petite belle, tu nous fais part aussi d'un sondage, le sondage de l'impossible de Sega. Oui, alors c'est un sondage qui permet de proposer, enfin de choisir les titres qui seront contenus dans la Mega Drive Mini en fait, parmi 6 titres, hein, c'est ça en fait. Et, c'est ça. Voilà. Et donc, mais par contre, le sondage est vraiment étrange parce qu'en fait, les 6 titres à proposer sont tous excellents et moi je trouve pas ça, enfin, je trouve pas que ce soit une très bonne idée quoi, parce que les titres en question, donc c'est en fait c'est 3 petits packs, 3 packs de jeux. Donc en fait, t'as Sonic 1 et Sonic 2, Puyo 1 et Puyo 2, et Shining Force 1 et Shining Force 2. Et franchement, je veux dire, ça leur coûtait rien de mettre les 6. Hein. Ouais, pour relativiser, Puyo 1, je vois pas tellement l'intérêt, étant donné que quand tu vas y jouer en versus, il y a des trucs qui rendent le jeu un peu dégueulasse. Ouais. Il y a un gros équilibrage qui a été fait sur Puyo 2, donc éventuellement, si tu veux épargner une demi-migraine, voilà, tu peux très bien foutre. Mais bon, c'est un sondage, quoi. C'est-à-dire que tous les gens, ils vont se battre pour mettre Sonic 1 alors que. Et pas le 2L3. Bah, quelque part, attendez, vous imaginez Mega Drive Mini en Sonic 1, 2 et 3 ? Mais voilà. Moi, je pense qu'ils devraient mettre les 3, quoi. Mais évidemment, les 6 jeux, quoi. Mais complètement, parce que même si c'est Sonic Puyo 2, comme tu dis, est meilleur que Puyo 1, de toute façon, l'idée, c'est de toute façon d'avoir une collection des titres et des meilleurs exemples. Enfin, de la série, et donc de toute façon, Puyo 1, Puyo 2, les deux devraient y être. Tout comme Shining Force 1 et Shining Force 2, qui sont dans toutes les compilations Mega Drive existantes, aussi, et qui sont vraiment fabuleux, quoi, encore à jouer maintenant. Du coup, je comprends pas. D'un point de vue valeur, entre guillemets, collection aujourd'hui, c'est vrai que les deux Shining Force, mais oui, c'est les moins accessibles, clairement, oui. De tous ces jeux-là. Et c'est des jeux qui sont et c'est des jeux qui sont très peu ressortis, quoi. Et tu parles accessible d'un point de vue financier, bien. Oui. Oui, d'un point de vue financier, oui. Oui, oui, oui. Le jeu aujourd'hui. Qui... Bah, évidemment, ouais. Donc, après, voilà. Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas The House dans. Là. C'est honteux. Je milite pour The House soit. Donc, dans... je trouve pas la démarche très. Oui. Très... Enfin, très. Vraiment bienvenue, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Non, Billon, tu penses pareil aussi, il me semble. Je suis un peu dubitatif, ouais. Je sais pas quelle place ils vont avoir. En même temps, les jeux Mega Drive, c'est pas la place que ça prend. Déjà, c'est ouais. Que dalle. Ouais. Ça prend rien du tout. Entre 1 et 3, 4 mégaoctets. C'est vraiment. C'est ridicule. La cartouche la plus grosse, c'est Super Street Fighter 2 avec 16 mégabits. Ouais. Et ce qui fait 4 mégas. 2 mégaoctets. C'est-à-dire, c'est pas lourd, oui. Ouais, voilà. Bon, ben sinon, donc, Sega, toujours, parce qu'on a dit qu'on parlait, il n'y avait que les news Sega, désolé. Hein. Voilà. Sega déménage, littéralement. Sega part de ses locaux historiques japonais, ils vont être détruits. Oui, et ça fait bizarre. Ils vont détruire Sega. Mais oui. Y a Sega, donc c'est pas plus fort que des démolisseurs. Donc du coup... Pardon. On s'attendait à la vanne et tout, et puis... Non. C'est bête. Pardon. Du coup, c'est rigolo. Pas voulu la faire, Non mais je trouve ça dommage, parce que d'un côté, tu sais, t'en as beaucoup qui militent justement pour que le jeu vidéo ait une aura un peu d'œuvre d'art, d'histoire et tout ça, et moi je pense que ça fait vraiment partie du patrimoine, ce genre de bâtiment, et je trouve ça dommage, moi. Vraiment. Ouais, sauf que le bâtiment, il avait l'air d'être en sacré mauvais état. Ouais, mais ça se rénove, quoi, je veux dire, c'est... Non mais on parle historique, de... Ouais, mais on parle de Sega, hein. Je pense qu'en termes de liquidité, ils avaient pas envie de dépenser des... Ça viennent à tout rénover. Hein. Et puis ouais, bon, les entreprises, ça arrive souvent hein, qu'elles déménagent. Et... Mmh. Enfin, oui, après, je comprends ce que tu dis, Pell, mais je pense que pour eux, en termes de fric, ils n'ont pas eu envie. Quoi. Ouais, mais je trouve ça dommage, parce que j'y vois vraiment une valeur historique quand même, quoi, du bâtiment. Tu sais, quand tu vois en photo les premiers bâtiments de Nintendo, et même pas ceux qui sont encore à Kyoto actuellement, j'avais vu ça sur des photos de Florent Gorge, des trucs qui étaient encore antérieurs, qui n'existe plus. Je trouve ça dommage, tu vois. Non, mais dire que dans ces locaux, il y aura le cadavre de Kid Caméléon, de Sega de Sanshiro, et de tous ceux qu'on aime. Après, c'est seulement qu'un côté... Alors, le cadavre de Sega de Sanshiro... Et alors, justement... Je sais, c'était pour... Oh là là, transition pour la transition. Habile. Oh, pas transition, on est parti trop vite là sur le bâtiment de Sega, je trouve ça triste. Ah bah oui, mais bon, c'est triste. Bah voilà, il va s'écrouler, ils vont l'exploser, voilà, bon. C'est tout. Merde, passe à autre chose, Pell. Voilà. Merci, Pell. Ils vont réduire en fumée tous tes souvenirs de quand t'étais grand-père déjà, mais bon. Ça lui rappelle Saigon, c'est pour ça. Mais j'ai mis la première pierre, moi, c'est pas. Donc, Segata Sanshiro. Et donc, Segata Sanshiro devrait revenir. Oh là là. Ce n'est pas une blague, accrochez-vous. Bah, apparemment, il y avait eu aussi un truc qui avait tourné l'an passé où ils annonçaient que le perso allait être de retour. Mais en fait, l'acteur qui incarne Segata Sanshiro était revenu dans une publicité pour des nouilles instantanées. True story. Pourquoi je suis pas étonné? J'avais vu ça un matin sur Twitter. Ouais, il est de retour. Je dis, de quoi tu parles? En fait, non, il était de retour dans une pub. Enfin, l'acteur en tout cas qui faisait Segata. Oui. Et là, je. Exactement ce que c'est en fait. Ah, il est invité d'honneur en fait d'un événement qui s'appelle Sega FES 2019. Ouais, bon, il est de retour, mais. Le Sega FES, on peut le dire. Ou les fesses de Sega, peut-être, non? Ça suffit, messieurs. Il démarre mal ce podcast, quand même. On avait déjà parlé un petit peu hein, de Segata Sanshiro quand on parlait de la Saturne, mais. Bah, surtout au Japon, c'est vrai que c'est un. C'est quand même un... Pour resituer, Segata Sanshiro était donc l'espèce... Enfin, mascotte, c'est un grand mot. Mais oui, si, remarque, c'était la star des pubs. C'est la meilleure mascotte, oui. C'est vrai que pour nous Européens... On n'y a pas eu le droit, mais c'est dommage. Bah, on y a eu le droit indirectement. Parce que figure-toi, tu sais que dans le jeu sur 3DS, Project X Zone 2... Ouais. Il y était. Ouais, mais il est dedans. C'est malheureux que la majorité des gens le découvrent avec ce jeu-là. Quoi. Mais, nous, après, en tant que joueur, on le connaissait déjà avant, mais c'est normal parce que. Ouais, je sais pas. Quelque part, un mec en kimono qui casse des bras et qui. Désolé, c'est mon truc, quoi. Ah, mais moi, je trouve ça trop bien. Et en plus, ça provient, en fait, c'est un jeu de mots sur Sugata Sanshiro qui, je crois que ça vient d'un film, comment ça s'appelle en français? Machin grand judo, ah, la légende du grand judo, voilà, je l'ai vu une fois, c'était pas marqué plus que ça, mais le titre, voilà. et qui devient donc Segata Sanshiro, le nom du héros, et en japonais, Sega Saturn Shiro, ça veut dire acheter la Sega Saturn. Ah oui, donc voilà. c'est une cascade de jeux de mots. C'est magnifique. Et justement, c'est un jeu de mots dans le jeu de mots du jeu de mots. Quoi, voilà. Et dans Project Geek Zone 2, quand il intervient, c'est justement pour dire acheter une Saturn. C'est trop le sens. Et il existe même un CD au Japon, en fait, avec... Il y a quatre pistes en fait où apparemment il y a une chanson originale en fait qu'on entend dans la pub qui est en version longue. Cette chanson. Il rigolait pas, à un moment donné je l'ai cherché, j'ai jamais trouvé sur eBay ce truc. Et donc le Segata Sanshiro a eu droit à son jeu sur Saturn au Japon exclusivement également, qui est une espèce de compilation de mini-jeux plus débiles les uns que les autres, qui n'a aucun intérêt ludique mais historiquement qui c'est voilà. Mais qui s'est vendu parce que Segata Sanshiro. Ah, quoique, t'as un mini-jeu avec Segata en Père Noël, qui est bien naze, mais il m'a marqué. C'est peut-être le seul dedans. Tu dois jeter dans les cheminées les cadeaux pour les enfants. Voilà. Des fois, ils se trompent, ils jettent les enfants. J'ai encore ce jeu. Je l'ai eu à un moment donné. Bon, ensuite, ta petite découverte de prototype. Ouais, très rapidement, ils ont retrouvé. Voilà, je viens de finir de lire la news. Retrouver le prototype de Fantastic Dix. Bon, le jeu était vraiment loin d'être fini. Apparemment, dans le proto découvert, il n'y avait pas de musique. Et voilà, pas d'intro ni d'écran titre. Encore du Dizzy, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps de Dizzy en plus. Hein. Par contre, j'ai parcouru la news comme ça un peu rapidement. Je ne sais pas exactement qui a retrouvé en fait ce proto, mais bon, voilà. Il doit être malheureux. Je vous ai dit qu'il y a joué. Dans le chat. Bon, voilà. Fantastic Dizzy, c'était un jeu sur Mega Drive qui était plutôt joli, plutôt agréable à jouer, ouais, mais qui commettait l'erreur infâme de ne proposer aucun système de sauvegarde ni de mot de passe. Ouais. Le rendant vraiment C'est un jeu qui n'est pas simple à la base, de part de deux choses. C'est une espèce d'un mélange de point and click et de jeu de plateforme un peu bizarre. Le perso se contrôle pas très bien. Et c'est pas toujours très explicatif ce qu'il faut faire dans les éléments entre guillemets point and click. Il se contrôle c'est un œuf quoi. Il se contrôle comme un œuf. Il roule, il est malin quoi. Et puis il y a l'inventaire hein, qui est. Mais c'est ça, il y a énormément d'objets comme tu dis côté point and click, c'est que l'objet te t'amènera quelque part pour en trouver un autre et ainsi de suite. Et il y en a énormément. Ah ouais, non, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que bon. J'avais fait sur Game Gear, en fait. Parce que Beyond, il était sorti sur toutes les consoles Sega. Oui, c'était sorti ailleurs que sur Mega Drive. Je l'avais fait sur Game Gear, oui. Mais la version Mega Drive était vraiment plus jolie graphiquement. Codemasters avait fait un joli boulot sur la version Mega Drive. Ouais, mais il n'y avait pas de sauvegarde. Voilà. Game Gear, ça existe. Oui, je l'avais eu. C'était dans un petit pack. En fait, c'était Fantastic Dizzy et Cosmic Spacehead, qui était vendu ensemble sur Game Gear et sur Mega Drive aussi. Ouais, du coup, j'avais ce petit pack-là. Cosmic Spacehead sur Mega Drive, d'ailleurs, aussi, en passant, un autre jeu de Codemaster totalement oublié de tous, qui est un mélange entre un jeu de plateforme pas terrible et un point and click relativement simple adressé aux plus jeunes. Mais qui, ben quand même, ça vaut le coup parce que un point and click sur console à l'époque, c'est pas courant. Et qu'il avait surtout une DA originale qui faisait très Cartoon Network, vraiment joli quoi. Sur Master System, ça me dit rien, moi, monsieur Chou. J'ai pas demandé à Beyond. Non, sur Cosmic, si je crois qu'il est sorti sur Master System. Mais c'est surtout, moi j'avais joué à la version Mega Drive à l'époque. Ça me dit rien. Mais les phases plateforme sont un peu nazes. Faut dire ce qu'il y a. Tu peux le dire, il y a prescription. On va terminer les news avec celle qui me réjouit le plus personnellement. Et on a dit qu'on allait en parler donc quand ça allait arriver, si ça allait être bien ou pas bien. Donc les fameuses manettes RetroBit. Retro-Bit. Donc qui va faire des reproductions de manettes Mega Drive 6 boutons et Sega Saturn. Donc ils ont obtenu la licence officielle de Sega. Au-delà d'obtenir la licence officielle de Sega, ils ont travaillé directement avec Sega pour reproduire exactement les manettes d'époque, donc avec les moules d'origine, avoir des boutons, des croix de direction identiques aux manettes que d'origine. C'est la Saturn V. Et donc, les premières pré-productions ont été envoyées à pas mal de youtubeurs plus ou moins influents ou que sais-je, et quelques sites. Et pour l'instant, eh ben, ça sent très très bon. Ah ouais. Mais je trouve que c'est une super idée. C'est vraiment cool. Les manettes Saturn, ouais, elles commencent à être dans un état lamentable. C'est ouais, dur d'en trouver. Et donc, l'idée, voilà, c'est que ils sortent les. Chaque manette sort dans deux coloris différents, un coloris noir classique et un coloris transparent, qui est bleu transparent pour la Mega Drive ou Skeleton, le fameux coloris Skeleton japonais pour la Saturn. Que j'ai totalement précommandé, hein, au passage. Hein, parce que... Et donc, ces manettes sortent aussi avec deux connectiques différentes. La manette Mega Drive sort avec une connectique originale pour la console Mega Drive, ou alors une version USB, et de la même manière, la Saturn sort avec une connectique originale Saturn ou une connectique USB. Alors, à noter une petite... Je vais juste préciser un truc, la version USB de la manette Mega Drive a 8 boutons, elle a 2 boutons de tranche aussi. Oui. Et du coup, je pense à un truc, tu prends genre le nouveau pad, voilà, pour la Mega Drive, et il y a des kits en fait de Shadebido pour mettre une manette, pour mettre en fait, pour la transformer en manette Bluetooth. Étant donné que c'est à l'identique la même chose qu'une manette d'époque, il y a peut-être moyen de faire des choses sympas avec ça. Ouais. Bon après ils vont aussi dans un second temps les vendre Bluetooth. En Bluetooth ah oui. Aussi ces manettes-là. Ah ok, j'ai pas suivi. En tout cas, ils vont avoir plein de modèles. Ils vont avoir un modèle Bluetooth et un modèle sans fil onde radio 2.4 GHz surtout pour la Mega Drive pour pas avoir de latence. Voilà. Sur ces modèles-là, ils vont même rajouter des joysticks supplémentaires pour une totale compatibilité avec les jeux modernes. Et également, Retrobit, donc pour l'avenir, puisqu'on en parle, a prévu de reproduire les fameuses manettes Ori Nintendo 64. Oui, aussi, ouais. Voilà. Mais ça, c'est l'avenir. Et le problème avec Retrobit, c'est qu'on en a parlé souvent et que ces manettes-là, en vrai, ça fait un an qu'elles sont censées être sorties. Et que c'est repoussé sans arrêt au calendrier grec, qu'on ne sait pas trop quand ça va arriver. Là, si j'avais envie d'en parler, c'est vraiment parce qu'elles sont là. Elles sont prêtes. Elles arrivent le mois prochain à la vente au grand public. Soit dit en passant, il faut les réserver pour l'instant sur Amazon si vous les voulez. Les tarifs, c'est 17 euros pour le pad Mega Drive pour Mega Drive, 20 euros pour le pad Mega Drive USB, 20 euros pour le pad Saturn original et 25 euros pour le pad Saturn USB. Ce qui est relativement correct. Je pense que c'est correct. Voilà, bah, c'est pas, 20 euros pour une manette Saturn originale. Bah, j'ai même presque envie de dire 20 euros pour une manette tout court, en fait, maintenant. Oui, c'est... en plus, oui. Oui, parce que c'était pas de manette, en plus, ces manettes Saturn. Hein. V2, pas V1. Juste, oui, donc, préciser également que les manettes Saturn ont subi une petite modification, puisque les boutons LR ne sont plus des micro-switch. Reconnus comme étant relativement fragiles à la longue, mais qui ont été remplacés par des boutons qui ne font plus clic-clic-clic. Oui. Et que, autre petit détail que j'ai lu, les manettes Saturn sont bien compatibles direct input et cross input, et on peut passer d'un mode à l'autre en restant appuyé sur start, apparemment, pour les allumer. Donc voilà. Donc, bon, ça va, ça me paraît relativement complet. Donc, comme tu as dit, moi, t'en as commandé une. J'ai commandé aussi moi-même. Enfin, en fait, j'en ai commandé une de chaque. J'ai commandé une Mega Drive, une Saturn pour tester. Bon, il en a commandé 8. Ouais. Non, juste pour les consoles originales pour l'instant. Enfin, voilà, et donc sur le coup, on vous en reparlera dès qu'on aura ça. J'ai pris la manette Mega Drive, on l'a pas dit. Moi, j'ai pris de la bleue transparent parce que je me suis dit tant qu'à faire. Oui, faudrait pas qu'on les confonde avec les autres quand même. C'est ça, donc bleu transparent et la Saturn, j'ai pris la Skeleton parce que elle est trop bien et j'ai toujours voulu en avoir une. Et même si c'est pas une vraie, c'est pas grave, je m'en fous, je ferai comme si. Et d'ailleurs, non. D'ailleurs, non, d'accord. Non, mais c'est propre. C'était très intéressant. J'ai vu quelqu'un qui a fait un unboxing et qui a comparé la manette Skeleton originale avec la copie. Et ouais, à part le copyright derrière. Il faut regarder au travers les circuits à l'intérieur pour voir que c'est pas tout à fait les mêmes. Ouais, non, puis elle est bien, et le bouton de couleur et tout. Moi, ça me rappelle ma petite Super NES, donc j'aime bien. Moi, je préfère. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire, Pelle ? Non, c'était. C'était mignon, t'es pas parti. D'accord. Okay. Voilà. Odieux personnage. Je crois que c'est reste une Mais non, là, pour une Mignon, ça y est, tu vas en venir maintenant. C'est semblant et ça. C'est... On passe à tout. Et donc, Et donc, est-ce que quelqu'un a une autre news à ajouter? Est-ce que quelqu'un avait envie de faire un big up à quelqu'un? Ben, Eret Skyler voulait qu'on parle du film Sonic. Hein. C'est Sega. On fait des news Sega. On fait des news Sega, Sonic au cinéma. Eh bien, oui. Alors, Sonic au cinéma, voilà, ça, c'est la news. Les trucs qui circulent en ce moment, ça n'a toujours pas été confirmé. Donc, ce n'est pas des news. Ici, nous parlons sans langue de bois. Nous vérifions nos faits avant de parler. Donc, voilà. Il y a juste le créateur de Sonic qui ne comprend pas pourquoi il y a ce design-là. Bah, voilà, ouais, mais je pense qu'il s'étouffe actuellement. Mais je le redis, ce n'est pas officiel. Par contre... J'espère que ça ne sera pas officiel. Par contre, si ça l'est, c'est dégueulasse. Voilà. Ouais, mais il y a des chances. Hein. Voilà. Eret Skyler, c'était pour toi. On aura finalement parlé de Sonic. Sinon, pas de mots, personne, tout va bien. Plus de news, moi, okay. Plus rien. Voilà. Je vais parler d'une petite chose vite fait avant de continuer. Les gens savent ici, j'en ai peut-être déjà parlé. J'aime beaucoup le suivre, surtout actuellement, le speedrun du jeu Mario Odyssey. C'est pour dire aux gens que le fameux moins d'une heure est en train d'arriver. On n'a rien vu. On n'a jamais été aussi près, voilà. Mais avec le premier loin. Mondial qui est à 1 heure pile à l'heure actuelle et le second mondial à 1 heure et 1 seconde. Ah oui. Voilà. Et notre ami belge qui est quatrième à l'heure actuelle. Susaiga, à qui je fais un coucou. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir Susaiga pour parler avec lui. Il faut demander à moi, est-ce qu'il est impressionné? Non, bah, impressionné, moi. Mais tant que c'est pas en dessous d'une heure, je trouve pas ça impressionnant. Donc 1 heure, non, pas impressionné. C'est nul. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est le moment de regarder, ça grind à mort de tous les côtés, parce qu'évidemment, chacun veut être le premier à passer en dessous d'une heure. Alors, personne n'y arrive. Vivra, verra. Sur ce, nous allons aborder notre grand sujet, puisque mon assistante me fait signe de « bouge-toi ». Donc, très bien, merci de servir de garde-fou. À ce podcast, c'est gentil. Donc, les objets de contrôle. C'est ça? Alors, moi j'avais envie de commencer ce petit sujet concernant donc les périphériques de jeu, mais par vous demander quelle est, vous personnellement, votre manette préférée et votre manette la plus détestée. Qui a envie de commencer à répondre? Pelle, parce que c'est le plus vieux. Ah oui, Pelle. Voilà. Donc il a plus d'expérience. Oui. Là, comme ça, la pouf, out of the blue. Oui, alors comme ça, je veux dire, la préférée, c'est plus difficile, mais celle que je déteste le plus, oui, là par contre, c'est immédiat. Et ça va pas plaire. Et faites gaffe, faites gaffe à ce que vous allez dire, monsieur. Toi, tu vas t'asseoir sur la manette, tu vas pas comprendre. Mais non, mais il y a moi qui menace à côté. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que je vais dire? Je sais très bien qu'elle va être. Évidemment. Non, c'est pas que je le sais, c'est que je sais que c'est une manette que tout le monde déteste. Bah, sauf moi. Moi je sais de quoi il va parler. Je l'adore, cette manette. Bah, je dis, je ne pouvais pas supporter la manette 64. Voilà, donc c'est la dernière participation de la petite Pelle au podcast du collectionneur. Et on va lui faire manger sa moustache. Mais ouais, je trouvais que c'était. Le stick analogique complètement pourri, mais ça... Ça par contre, oui. Ouais. C'est même pas seulement une question de agilité, hein. Je le trouvais vraiment mais mal foutu. C'est mal placé. Une ergonomie vraiment très mauvaise. C'était... Mais de toute façon... Mais Nintendo avait conscience de ça, de toute façon, que c'était un fiasco. Et une manette que t'aurais beaucoup aimé, ce serait quoi? Les manettes que j'aime beaucoup... Bah, je pourrais rester dans les manettes assez récentes, justement. Je trouve que les manettes Pro de la Wii U et de la Switch sont absolument géniales. Non? Oui, oui. Ouais, je les trouve vraiment, vraiment bien. Je tiens juste à dire que, du coup, c'est la console 64 qui a amené le joystick cranté. Ouais. La gâchette sous les doigts. Sous le doigt, en mode pistolet. Ouais, ouais. Et que c'est des trucs qu'on retrouve. Ouais, on pourrait dire que la manette PlayStation avait les gâchettes quand même. Ouais, non, non. Je peux rien dire. Mais par contre, oui, la manette 64 a donné la forme des nunchucks de la Wii. Mais je sais pas si je crois que j'avais déjà dit ça, non? Oui, on en avait parlé. Oui, et quand tu me l'avais dit, Bah, je l'avais même pas remarqué. Donc quand tu dis que Nintendo n'avait confiance, bah non, parce que... Ouais, toi, moi, rapidement, une manette détestée, une manette aimée. Une manette détestée, j'ai... Mais en fait, moi, j'ai très peu de manettes que j'ai pas aimées. Je pourrais dire que j'ai pas aimé, par exemple, les manettes... je vais les mettre dans le même sac, les manettes NES et Master System. Coin carré ? Bah, les coins carrés, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais de là à dire que je les déteste, faut peut-être pas déconner. Donc, je vais faire le troll aussi, moi aussi. Je vais dire une manette que je déteste, c'est la manette de PlayStation 4. Ah, bienvenue au club. Parce que ça fait quand même 4 générations de consoles qu'on a la même. Oui. Ouais, ça me saoule. Parce que il dit ça pour m'attaquer. Parce que ça fait quand même 4 générations de consoles, surtout à partir de la PS2, où ils ont toujours pas compris que dans des jeux en 3D, ce qu'il faut qu'il tombe principalement sous le pouce, c'est le joystick pour diriger ton personnage. Et non, il laisse continuer de mettre la croix. Croix qui est dégueulasse au passage, puisque c'est pas une croix. Donc voilà, on va dire ça. Allez, soyons fous. Je rajoute juste un petit chose, c'est que j'ai dit manette je pro, mais j'ai hésité avec la DualShock 4. Et ça aurait été vraiment l'inverse total de Noah, c'est amusant, mais moi j'adore la DualShock. C'est la dernière participation de moi, c'est ça. Non. Et manette du coup que j'aime bien, je vous cache pas que j'aime bien la forme de la manette Xbox One en fait. Ok, d'accord. Je suis pas étonné. Voilà. Mais ouais. Ça, c'est compliqué, une manette que j'aime bien, parce que ça dépend à quel jeu je vais jouer aussi. Donc, Et toi, Chou, par exemple, qu'est-ce que t'as aimé ou détesté? Une, ça va être compliqué. Par contre, deux, pour les manettes que j'ai bien aimé, bon, pour les jeux en 2D, layout de la manette Super Nintendo, parfait. Pour ce qui est jeux en 3D, tu vois, les pads de 360 Xbox One, moi, je trouve ça fait le taf. Par contre, au rayon des manettes, j'ai pas aimé. Je vais en donner une vraiment old school et une très récente. La télévision. Oh oui. Oulala, avec son cercle de contrôle qui n'est pas un pad, n'est pas non plus. C'est rien, tu sais pas ce que c'est un cercle. Et en fait, pour le peu que t'as des ongles, des fois ton ongle il passe entre les deux, dans l'encoche en fait, et te pète les doigts. Et beaucoup de gens ont des ongles. Enfin, même à la limite, si t'as pas d'ongle, tu te pètes les doigts quand même, parce que c'est abusé. Récente, on en parlait tout à l'heure avant, les Joy-Con. Je ne supporte pas ces merdes, je comprends pas comment on peut oser vendre des trucs qui sont pétés à la sortie de la boîte, qui vont être pétés en 2 mois, et je comprends pas le cynisme qui consiste à dire « Bah, t'as un joystick qui est pété, bah renvoie la console, garçon, allez vas-y, hein, t'attendras juste 3 mois et demi ». Et quelque part, hein, j'ai beau aimer Nintendo, ça reste. Ils sont encore plus cons que chez Apple. Chez Apple, de temps en temps, c'est très rare, mais de temps en temps, ils écoutent et pour éviter d'avoir des procès au cul, ils réparent quand même. Pourquoi ? Ils réparent très mal, mais bon. Chou vient de me faire penser à un truc. Je retire ma manette détestée. Ma manette détestée, c'est les Joy-Con NES Controller de la Switch. Ah oui, je comprends pourquoi, mais j'ai Voilà. Je n'aime pas ces trucs. Hein. Alors, je vais le dire pour ceux qui ne sont pas au courant. Hein. Ça fait donc 3 mois que Nintendo se fout de ma gueule en les ayant toujours pas envoyés ou en je sais pas. Voilà, j'attends toujours. Malgré une plainte à des instances assez hautes niveau autorité, ils s'en battent les couilles. Donc voilà, je vais le dire du fond du cœur, hein, Nintendo, vous avez chié dans la colle. Voilà. Ouais, toi, Boss Dick, ce serait quoi ta manette aimée, manette détestée ? Manette détestée, ben, je suis avec Chou pour les Joy-Con. Je n'aime pas ces manettes. Ah ouais ? Oui, parce que je trouve ça pas très jouable. C'est petit, c'est super agréable c'est à jouer. Méga fragile. Pas du tout. Super fragile, c'est. Et... Wiimote et Nunchuk de la Wii. Ah oui. Je n'aime pas du tout. Il y a plein de jeux où le motion gaming était obligatoire. Ça m'a pourri mes certaines expériences de jeu de manière assez phénoménale. Et une manette que t'aurais aimé ? Compliqué parce qu'il y en a plein que j'aime. N64. Je surkiffe la Mario de N64. Je fais peut-être partie des rares qui l'aiment. Mais pour jouer à Perfect Dark, pour jouer à tous les jeux Nintendo, même à pas mal de jeux, la manette était parfaitement adaptée à ces jeux-là. Mais non, mais en vrai... Non, mais attendez, mais moi, je sais pourquoi, en fait, il aime la manette de 64. Il a retiré le fil au bout, il a mis un bâton et s'en sert de bêche pour le jardin, quoi. Je kiffe vraiment. C'est un pour la chasse à la baleine, tu vois, je pense qu'ils utilisaient ça, en fait, dans Moby Dick. Mais non, mais en vrai... Pour jouer ISS, c'était trop bien, pour jouer à Perfect Dark, pour jouer à GoldenEye... En vrai, une fois que t'as compris comment on la tient, la manette, c'est bien, quoi. C'est formidable, quoi. Mais cela dit, quand même, pour les jeux 64, il manquait ce que Sony a rajouté sur sa manette PlayStation. Un deuxième joystick pour contrôler les caméras. Ouais. Ça, Sony, ils ont une bonne idée, quand même. Ouais, mais après, ça passait avec les boutons jaunes, tu sais. Je te mets au défi de jouer à Jet Force Gemini. Bon, d'accord. Sans deuxième stick. Moi, j'adore ça, mais je préfère de la console. Mais putain, avec les deux sticks, oui, quand ils l'ont sorti sur la Rare Collection, ils ont mis un mode où tu peux jouer à deux sticks à Jet Force Gemini. Tu fais oh, waouh! Et moi, justement, c'est dans la compilation Rareware qui devient sur Xbox, il devient jouable. Ah ouais, ouais. Il devient encore plus jouable. Il devient encore mieux. Oui, voilà. Ouais. Non, mais je l'ai joué. Ouais. C'est comme Kingdom Hearts sur PS3 et PS4. Quoi. Je l'ai pris. Je vous avoue, je l'ai pris sur One Kingdom Hearts. C'était juste pour la manette, justement. One. Mais aussi pour faire fonctionner ta. Et donc. Un peu. C'est vrai. Sans être méchant. Troll mais... gratuit, ce troll gratuit. Non, c'est même pas un troll. Même lui, il te le dira. C'est vrai. Si j'avais une One, j'aurais fait pareil. Ah, mais des boutons de l'Atari à la bouton de la Jaguar. Ah, oui. Qui part de la Jaguar. Les boutons de la Jaguar, ils servaient à mettre une espèce de. Ben justement, hérité de la télévision, on mettait une espèce de truc dessus en plastique, une place plastique, et c'est un jeu qu'ils utilisaient. Et bon, par contre, la prise en main de la manette Jaguar, elle est pas si nulle que ça. Quand on joue, c'est pas trop perturbant. Je peux pas dire qu'elle est nulle, j'ai jamais joué. Alors, moi, personnellement, j'aime énormément la manette Saturn V2, dont on a parlé avant. Elle est bien. Hein. Aussi, elle est bien aussi. Voilà. Mmh. Au niveau croix de direction, placement des boutons, c'est une manette que j'ai toujours énormément aimée. Oui, je passe ton les divs. Rien. Et la manette que je déteste, et pourtant Dieu sait que j'aime cette console de tout mon cœur. Master System. C'est la manette Master System, qui est juste une horreur. Et mon assistante dit qu'elle déteste également la manette Master System, mais vu qu'elle dit qu'elle aime la manette Dreamcast, c'est invalide. Je suis désolé. Ah ouais. Donc, la manette Dreamcast, je l'aime beaucoup, mais en termes de mal de doigt, c'est vrai que Sega, ils ont eu du mal à. Oui. Non, mais Sega, ils ont eu du mal avec les manettes. Bon, on en reparlera peut-être plus tard. La manette Master System, elle date d'une époque où Nintendo n'était pas encore arrivé avec son D-pad, où chacun tentait des trucs. Et voilà, la manette Master System, elle n'est pas précise, elle se casse très facilement. Ils n'avaient pas le droit sur le D-pad. Ouais, ils n'avaient pas le droit en fait de faire une manette comme Nintendo, donc ils étaient obligés de faire autre chose. Ils ont choisi ben, ça. C'est une question de droit en fait. Hein. C'est pareil pour la manette de Sony. Hein. Ils ont choisi les 4 boutons en fait plutôt qu'une croix parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas trouvé la. Master System, ils ont choisi un pavé quoi. Bon, pour parler un petit peu des périphériques donc de maniement, j'ai fait quelques petite sous-catégorie, tout ça. J'avais envie de commencer par parler par les oubliés, entre guillemets, ceux qui datent d'il y a longtemps et qui sont un peu tombés en désuétude. Donc les paddles qui ont un peu inventé le jeu vidéo avec Pong et Breakout. Ouais. Et la trackball qui servait parfois aussi dans les jeux arcade, qui servait pour les micro-ordinateurs il y a longtemps. Même si la trackball existe encore aujourd'hui. Ouais, c'est utilisé, mais plutôt pour des trucs professionnels ou ce genre de choses. Pas pour le jeu, c'est vrai, plus trop. Maintenant. De quoi ? Excusez-moi, j'ai pas suivi. La trackball. Tu peux, comment dire, il y a des compagnies en fait qui te vendent un truc à assembler toi-même en fait. Il y en a encore sur certains jeux d'arcade. Les trackballs justement étaient popularisés pas mal en arcade à l'époque avec des jeux très célèbres comme Centipede, sa suite Millipede, Missile Command également très connu utilisait une trackball et pour en citer deux autres rapidement, le fameux Sega Sonic et Irritating Maze qui est le seul jeu MVS à utiliser une trackball en arcade. Et t'as aussi Marble Madness je crois. C'est vrai. Ouais, en même temps, quand tu vois le jeu, ouais, tu comprends. Ouais. Voilà. Et pareil, donc les paddles à l'époque étaient de base via l'Atari 2600 avait des paddles à vendre en plus de ses joysticks pour les jeux compatibles comme Pong ou Breakout. Alors les paddles, c'est quoi? Basiquement, c'est juste un potentiomètre. C'est un potard, hein. C'est un potard dégueulasse en plus. Voilà, avec une butée d'un côté et une butée de l'autre, hein. C'est pas non plus, voilà. Alors, un trackball, du coup, trackball USB, ça vaut 40 balles. Bon, trackball, après, trackball bizarre, enfin, c'est quoi? C'est une souris inversée, en fait. C'est une souris qui fait bouger la boule. Après, bien sûr, ce qu'il va falloir, c'est, pareil contre personne, mais c'est de faire, en fait, le boîtier pour mettre le trackball dedans. Et, mais le mécanisme en lui-même, il coûte entre 30 et 50, 60 euros selon les gammes. Et un truc correct, c'est 40 euros. J'avais déjà regardé. Et voilà, avant que la souris ne soit popularisée, certains micro-ordinateurs, mais en particulier la gamme Atari, avait une trackball qui était vendue à part, qui d'ailleurs peut se brancher sur une Atari 2600 ou 7800. Il y a quelques hacks de jeux qui existent qui utilisent la trackball Atari. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça par ici, les paddles et les trackballs. Pour Monsieur Chou, oui, forcément. Ah bah si, oui. Le paddle, je l'avais pas. Même si j'avais l'Atari 2600, mais c'est donc le cas. Et il existe sur l'Atari 2600, j'avais même une ampoule au milieu de la paume. Il existe un autre modèle en fait de paddle. Les paddles que tu faisais référence, c'est ceux marqués paddle dessus, on est d'accord. Oui. Il existe en fait un autre modèle où à la place des deux raquettes de tennis, en fait, tu as une voiture en fait dessus. Et celui-là, d'accord. Je crois que c'était fait pour comment il s'appelait ce espagnol. Enfin bref, pole position. Ouais, voilà. Lui, par contre, en fait, il me semble que c'était que en un joueur, alors que les paddles, non, c'est en deux joueurs, je crois. Faudrait que je vérifie ça. Je ne suis jamais tombé dessus en vrai, mais d'accord. Je sais que ça existe. Il y avait les petits aussi paddles pour les enfants, les kits paddles. Voilà, c'est tout pour moi. Pourquoi? Mais pourquoi, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, non, c'était pas pour pole position, apparemment, c'était pour Indy 500. D'accord. Bref, si je me souviens bien. Et ça s'appelle les driving controllers, ça ne s'appelle pas paddle, du coup. Mm. Ouais. Oui, effectivement, c'est pour Indy 500. Ce qui va nous mener sur le coup à la première grande section, on va dire, de ce sujet pour moi, et donc les premiers contrôleurs, les fameux bâtons de joie, les joysticks, ou donc pour moi personnellement, les premiers bâtons de joie qu'on a eu, le premier souvenir que j'en ai, c'est l'Atari 2600. Ouais, c'est son bouton qui est à gauche et non pas à droite, ce qui fait que j'ai dû jouer avec la main droite et que tu te pètes les mains. Je me souviens d'une manette. Un certain joystick pour gaucher, voilà. D'une certaine console, dont on parlera plus tard. Monsieur Chou, je suppose que tu as retouché assez récemment tout à ce genre de manette. Mais moi, il y a longtemps que j'ai touché un joystick. Et dans mes souvenirs, c'est quelque chose d'assez rigide, quoi. C'est pire que ça. Tu sais quoi? Essaie de jouer à Decathlon avec et tu auras comme moi une cloque en plein milieu de la paume. Non, mais moi, je jouais à Centipede. De toute façon, c'était les jeux que j'ai joué, Centipede et Speedy Vendors. Et je me souviens, c'était vraiment pas facile, quoi, de diriger le truc. Je confirme que le joystick Atari 2600 est atteint de priapisme. C'est une horreur. Ah oui, non, mais c'est... Ouais. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça, en fait. La façon même où c'est fait, tu vois que ça n'a pas été fait avec le plus grand soin, en fait, du monde. Ce qu'on a dans les manettes modernes, on a une membrane en caoutchouc avec un pad en carbone qui vient appuyer sur les deux parties, en fait, de la manette, pour que ça fasse contact. Mais non, en fait, chez Atari, eux, ils ont fait ça avec les moyens du bord, on va dire. Pourtant, ils étaient déjà rachetés par Time Warner à l'époque. Enfin bon. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le joystick, quand il vient, par exemple, en position haute, c'est une lamelle de métal qui vient à faire pression à la place du pad en carbone. Vous dites, bah, c'est la même chose. Oui, mais non. Parce que le pad en carbone, il y a un truc en caoutchouc dedans. Donc, c'est un peu plus étudié pour un usage un peu plus intensif. Là, avec le temps, des fois, tu as des manettes en fait sur Atari, y a des directions qui marchent carrément pas. Oui. Et tu es obligé de les démonter, tu es obligé de rafistoler ça avec une lamelle d'aluminium. Ouais. C'est super relou. Et des fois, ça peut tenir une journée, une heure, comme même pas marcher du tout. Et comme dit Cap, oui, les manettes Atari 2600 et manettes de manière générale, les manches d'avion à l'époque, qui étaient assez petites, en fait, le socle était relativement petit. Il y avait des ventouses pour coller sur les tables. Pour que ça ne bouge pas. Alors, je crois pas qu'il y en avait sur Atari 2600, des ventouses. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas, c'était pas sur Atari 2600. C'est plus arrivé sur les micros, en fait. Ouais, sur Amiga, je me rappelle de ça, j'avais un joystick Amiga. Parce que je me rappelle justement du plastique assez rugueux, justement, où il n'y avait rien en dessous. Ouais. Donc, comme a mentionné Buzzy tout à l'heure, on va en parler rapidement. Sega a fait une tentative de joystick sur Master System aussi, qui est resté dans les annales, mais pas dans le sens du terme. Punaise. Où on n'a pas compris, avec un joystick à droite et les boutons à gauche. C'était infernal à jouer. Véritablement infernal. C'était pas très agréable. Non. Mais l'endroit où les joystick étaient réellement les rois, et ont toujours été les rois, c'est l'arcade. Ah bah oui. Oui. Et alors, je suis obligé de poser la question la plus importante de ce soir, sans doute. Est-ce que vous êtes plutôt poire ou boule? Ça dépend. Ah oui. Alors, ça dépend du jeu. Ça va dépendre du jeu. Ouais. Ça dépend du jeu. Et voilà. Mais non, mais attends, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit boule. Ouais, pas de souci. Mais depuis, j'ai testé en fait les poires pour une raison toute simple. Sur mes deux bar top, en fait, j'avais mis en fait des boules et je me suis aperçu que la plupart des gens qui n'ont pas connu l'arcade, en fait, ils tenaient ça limite comme un levier de vitesse. Ouais. Alors je me suis dit, pour le prix que ça coûte en fait une poire, je vais tenter un peu l'expérience. Et là en fait tu vois que les gens comprennent déjà un peu mieux comment en fait tenir le truc de façon un peu plus académique, on va dire. Sans quelque part secouer la borne de gauche à droite comme un cingle. Ouais, mais alors justement, c'est ça que je voulais savoir. La poire ou la boule, c'était en fonction du jeu, de toute façon. Non, les poires, c'était quasiment plus la norme, on va dire, chez nous. Il y avait ça sur les bornes jetelles, il me semble. Parce que je me rappelle, moi, je jouais... Les bornes génériques, Boss Dick. Voilà, toutes les bornes françaises, toutes les bornes dites, enfin, européennes, c'est-à-dire qui se jouaient en position debout. Comme la plupart, René Pierre avait ses joystick en forme de poire. Là où on a toujours considéré que les sticks à boules, c'était plus ces bornes à la japonaise, celles où on peut s'asseoir devant pour jouer, tout ça. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est handicap. De toute façon, tout ce qui est bornes japonaises, généralement, t'as un joystick... Ah mais ouais, mais voilà, mais moi j'ai connu presque que ça. Je jouais à Bomb Jack avec poire. Ouais, mais de toute façon, en fait, t'as même les différences s'arrêtent pas juste au niveau de la poignée. Tout ce qui est truc japonais, t'as vraiment du micro-switch. Ouais. Tout ce qui est, entre guillemets, comme on dit, joystick à poire, là par contre, dans 90% du temps, tu sais que tu vas trouver ce qu'on appelle un joystick à lamelle à l'intérieur. Après, c'est une question de feeling, il y en a qui aiment l'un ou l'autre, mais... Moi, j'ai joué avec les deux, en fait, donc ça me dérange pas. J'ai découvert ça avec la poire, effectivement, quand j'étais vraiment petit, on jouait à Bomb Jack. Et après, c'est surtout les jeux Jap, Sunset Rider, Street, où j'ai découvert le joystick à boule, effectivement. C'est vraiment avec l'arrivée de Street 4, en fait, sur Xbox 360, que là, j'ai complètement abandonné l'usage des poires et des joysticks à lamelles. Et c'est compliqué, maintenant, de revenir sur un stick à lamelles, mais bon. Pour quelques jeux, genre Donkey Kong, Pac-Man, je trouve ça mieux. Pour moi, oui, à une époque, même les sticks arcade officiels, même chez Nintendo, les NES Advantage ou les Super NES Advantage, au niveau des sticks, justement, même des boutons, c'était pas très agréable à manier. Ça manquait beaucoup de précision. Rejouer à la Super NES Advantage aujourd'hui. Je trouve ça formidable. Jouer au Capcom Stick Fighter pour jouer à Street 2, c'est toujours quelque chose de cool. Moi, je jouais même les jeux de rôle et tout ça. Je préférais presque jouer avec le Super NES Advantage. J'adorais le tenir. C'est les sticks arcade de l'époque. J'en ai jamais trouvé un bon, sauf. Celui de la Saturn, le modèle Jap, qui est fabuleux. J'en ai venir, c'est-à-dire que pour moi, les joysticks, ça a vraiment commencé à exploser pour les consoles. Je veux dire les joysticks dans le sens moderne, c'est-à-dire dans le sens reproduction de panel d'arcade, avec donc le fameux joystick Saturn, qui s'appelle, ça m'en vient pas. Je l'ai ici, je peux Virtua Stick. Ouais, ça va être ça. C'est le Virtua Stick, tout simplement. Alors attention, sur Saturn, il y a deux modèles qui existent. un modèle dit européen et un modèle dit japonais. Alors, ce qui est absurde comme nomination, parce que de toute façon, le modèle européen est sorti au Japon, ça ne veut rien dire. Oui. Mais bref, celui qui est bien, c'est celui qui n'est pas sorti chez nous, où donc on commence à avoir donc ces fameux joysticks à boules, avec les clics qui fait que, généralement, si y a des personnes à côté de toi qui essaient d'écouter autre chose en même temps que tu joues, c'est pas possible. C'est compliqué, ouais. Et donc, pour moi, vraiment, la Saturn, et donc, qui était la reine de la baston à l'époque, face à la baston 2D, en tout cas face à la PS1, avait ces superbes joysticks. Également sur Saturn, était disponible le fameux Twin Stick pour jouer à Virtual On. Ouais. Toujours très pertinent de sortir un périphérique pour uniquement un jeu. Style Battalion. Bon, tu sais, après, on est d'accord, Hybridator le mentionne dans le chat, il y avait bien sûr la Neo Geo qui proposait ça. Mm-hmm. Mais voilà. Bah après, la Neo Geo, c'était normal, vu que c'était c'est l'arcade pur. C'était vraiment de l'arcade à la maison. Oui. Ouais. Et justement, à propos des sticks, justement, tu parlais du Super NES Advantage, NES Advantage, mais la Mega Drive, elle avait son stick aussi. Ouais. La Mega Drive avait deux sticks. Ouais. Elle a eu la version 3 boutons et la version 6 boutons, beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile à trouver. Ouais. Mais après, c'est du même acabit que les Super NES Advantage ou les NES Advantage. Ouais. Et voilà. C'est à peu près la même ergonomie. C'est relativement léger aussi. Ça vole. Ça vole facilement. Moi, je veux juste qu'on parle vite fait du Capcom Stick Fighter, qui a été mon stick rêvé, que j'ai jamais pu avoir. C'était quoi sur Super NES, c'est ça hein. C'était sur Super NES. C'était pour Street, en fait. C'était le joystick fait pour jouer pour ça. Ah oui, c'est le truc noir qu'on dirait qui est divisé en deux, c'est ça? C'est exactement ça. Oui. En tapant il a toujours un joystick. Moi, j'ai un PC Engine, celui-là? Ou j'ai rêvé? Bien sûr. Moi, à l'époque, j'ai pas eu de stick Super NES, mais j'en ai acheté un autre pour ma collection un jour qui est très très bien, qui s'appelle le Top Fighter de Quick Joy. Qui est un des rares sticks de l'époque avec donc clic un peu partout et qui en plus est programmable avec un petit écran LCD. Je me rappelle de celui-là. Qui était Top Fighter, numéroté, c'est ça. Des boutons de couleur, oui. Voilà. C'est ça, oui. Par contre, la qualité est fantastique, mais à l'époque, c'était très dur de se procurer ce genre de choses. C'était vraiment. Ouais. Mais je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit tout micro switch. Je crois que c'est des contacts à lamelles, mais enfin, ça reste déjà mieux que les boutons avec membrane en caoutchouc, bien sûr. Et donc après, Sega, oui, avec la Saturn, a continué à s'élancer avec la Dreamcast, évidemment, avec un stick arcade d'aussi bonne qualité. Et ensuite, pour moi, c'est à partir vraiment de la PS2 qu'on a commencé à voir se développer réellement les sticks arcade pour console de salon, avec notamment Ori, qui a développé beaucoup de choses sur PlayStation 2, au Japon exclusivement. Donc c'était à l'époque des choses qui étaient extrêmement onéreuses évidemment à importer, où vous preniez la douane quasiment à tous les coups compte tenu de la grande discrétion de ce genre de vrai. Et ensuite surtout donc le marché a explosé à partir de la PS3 et 360. Voilà. On a eu une recrudescence de stick effectivement. En fait, mon micro il était muté là, c'est ça. C'est là que j'ai commencé à commander mon premier stick. T'as eu quand même Street 4 qui est sorti derrière. C'est ça. T'as eu Tekken 6, c'est ça je crois, ou 5, je sais plus. Qui était vendu avec un stick arcade de pas très bonne qualité. Il y a eu le Tekken 6 avec le Ori sans fil qui avait le bon goût d'avoir du lag. Ah ouais, toujours une bonne idée pour un stick. Ouais, on peut demander pourquoi c'est vendu avec filaire. Il y avait même pire. La version PS3, je crois, tu avais besoin d'un dongle pour l'utiliser. Donc si tu perds le dongle, tu peux pas l'utiliser. Hybridator, Madcat, ça commençait à faire des sticks avec le Street Fighter 4. C'était le premier, le Tournament Edition, c'est le premier stick Street Fighter 4. Je veux dire, quand Mad Catz a chopé la licence Street Fighter et qu'ils se sont mis à mettre du Sanwa dans les sticks, c'était vraiment celui-là. Mais avant, sur 360 notamment, il y a Ori qui a sorti énormément de sticks et des sticks japonais. Alors, je vais en parler rapidement pour vous faire rêver, mais au Japon, sont sortis des sticks limités Mushi Imesama ou Radiant Silver Gun. J'ai acheté un il y a quelques temps, il y a quelques années, ça vaut la peau du chion. Voilà. C'est pas forcément excellent à l'intérieur. C'est du rap, c'est le rap 2 de l'époque, donc c'est les boutons et les sticks ne sont pas de la qualité dont ils sont aujourd'hui, se sont beaucoup améliorés depuis. Mais par contre, voilà, c'est des. Enfin, moi, je rêverais d'avoir ces genres de sticks officiels. C'est. Ah, bah, Silver, Radiant Silver Gun, ouais, j'aimerais aussi. Hein. Oh là là, il est beau. Hein. Ah, le Mushi aussi est formidable. Mmh. Je crois qu'il est vert, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. L'artwork sur la boîte est formidable aussi. Et donc, et ensuite, donc, le marché des joysticks, des gros joysticks, entre guillemets, donc là, Mad Cat, ça périt, on le sait, hein, périquité. Ori a repris le marché, on va dire, des sticks qui sont d'excellente qualité et qui sont pas très cher, assez abordables. Très abordables. Bon, après, t'as le fabricant, t'as Razer, t'as toujours Campbell. Et après, t'as les fabricants haut de gamme. Qui propose des choses, donc là, quand on dit haut de gamme, je parle à partir de 250€ et au-delà, ouais. Où on rentre dans des. Bon, après, mais là, c'est quand, quand tu doses vraiment, quoi, pour un usage, on va dire, normal, avoir un stick de ce prix-là, ne sert pas à grand-chose. Ori multiplie beaucoup les modèles en ce moment sur PS4 et One. Avec pas moins de 3, ils en sont je crois à 3 châssis différents pour l'instant sur ces consoles-là. Donc il n'y a que l'embarras du choix avec des éditions limitées liées à des jeux. Et ils ont même sorti un joystick pour Switch, qui est aussi d'une qualité tout à fait correcte. En plus que correct, hein, quand même. C'est très bien. C'est très très. Ouais. Pour jouer à la compil Street Fighter Collection. Ah bah oui. J'ai envie de parler rapidement par rapport au stick de deux joysticks oubliés. Donc, alors le premier, bah, je vais faire plaisir à Jamais de Bol, il en a parlé tout à l'heure. C'est le contrôleur Steel Battalion. Alors, bon, c'est pas vraiment un joystick à proprement parler. Il y a un petit peu plus que ça. Il y a une lumière qui brille dessus. C'est un monstre. Donc, pour ceux qui se souviennent pas, Steel Battalion, c'est un simulateur de mecha sorti sur Xbox première du nom, ouais, par Capcom, qui valait donc la bagatelle d'environ 200€ quand il est sorti. L'idée, c'est que vous avez plus ni moins qu'un tableau de bord en trois parties que vous devez interconnecter, ouais, avec deux joysticks et une myriade de boutons et d'interrupteurs pour toutes les fonctions de votre robot. Et également, vous avez au pied un pédalier qui vous permet d'accélérer, de freiner. Voilà. Et alors, ça me faisait rêver. Hein. Je l'ai jamais plus, c'est une merveille, mais bon. C'est... Parce qu'en plus, c'était une exclusivité One. C'était une exclusivité Microsoft Xbox qui l'est restée. Du coup, deux jeux sont sortis. Il y avait Steel Battalion tout court qui se jouait en solo, et il y avait le Line of Contact qui était exclusif réseau, qui se jouait uniquement en réseau. Que des passionnés aujourd'hui auxquels arrivent à jouer encore donc en réseau local sur des Xbox ou via le net avec du. Mais c'est tout à fait le genre de jeu qui franchement, hein, qui pouvait justifier l'achat de la Xbox. Hein. Enfin, ça faisait rêver quand même. Quoi. Surtout que, tu sais, le petit détail technique avec le bouton éject, tu sais, d'explosion, d'autodestruction, tu sais, en cas de. Pour pas perdre le bouton d'éjection sous la petite vitre en verre. Ouais, alors, en verre. Non, c'était pas du verre, c'était du plastique. En plastique. Le bouton rouge, mais on était obligé de le faire, sinon tu perdais ta sauvegarde, en fait. Hein. C'était un truc. Je connais des gens qui ont acheté la console pour ce jeu. Ah, mais ça me surprend pas. Ah, le problème majeur de Steel Battalion, je suis obligé d'en parler, c'est que c'est un jeu qui est d'une austérité, vous avez jamais vu ça. Ah oui. Voilà, le jeu est méchant. Si vous mourrez dans votre robot, c'est game over, sauvegarde effacée, on reprend au début. Si vous explosez votre robot et que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de quoi vous acheter un robot, adieu, hop, vous retournez au début. Et bon, d'accord. Et le temps de comprendre toutes les subtilités, voilà. Mais il y a des passionnés. Il y a des passionnés en France pour ceux qui fréquentent la RGC. Il y a bientôt un rassemblement de. Pas mal de personnes qui s'occupent de la RGC, qui font plusieurs LAN par an de Steel Battalion. Ça doit être cool. Voilà. Et pour la dernière anecdote totalement inutile, il existe deux versions de la manette, une avec des boutons verts et l'autre avec les boutons bleus. Voilà. Ça ne sert à rien de le savoir, mais. Du coup, si vous êtes collectionneur. Il vous faut les deux. D'ailleurs, j'ai un vert à échanger contre un bleu, si vous avez. Merci. Et pour répondre à Capsuleur, oui, Big Ben a fait aussi beaucoup de périphériques et de manettes, mais c'était surtout des manettes qu'on refilait aux gens qu'on n'aimait pas. Quand on jouait aux jeux de combat. Et voire même des manettes, en fait, genre, t'avais besoin d'une seconde manette, tu disais, et tu te disais, bon, bah, finalement, en fait, comme je vais pas jouer avec, c'est pas mon problème. Mais c'est ça. Hein. C'était les manettes pour les gens qu'on aimait pas. Tu jouais à un jeu de combat, tu files la manette Big Ben. Ouais. c'était pas très bien, Big Ben. À l'époque. Ouais, mais maintenant, Big Ben, ils font pas que des trucs bas de gamme. C'est eux qui distribuent en France et en Europe, je suppose aussi, les joysticks de la marque Kamba. J'ai dit à l'époque. À l'époque, c'était pas bien. Et RS Skyler, oui, ça sent le vécu, mais pas pour moi. Moi, j'avais toujours la bonne manette. Attention, je dis pas du bien de Big Ben parce que j'ai tenté de faire un partenariat avec eux il y a pas longtemps pour le boulot. Non, ils sont pas loin chez toi. Mais pour le coup, je sais que c'est eux qui distribuent les Kamba. Ben, vu mon Kamba Q4 RAF qui a survécu à 8 années de maltraitance, c'est pas mal. Pour enseignement, Big Ben, ils ont eu le même souci que Matt Gatz. C'est-à-dire que, arrivé sur cette génération de consoles, One/PS4, les constructeurs se sont mis à vendre les licences totalement hors de prix et utiliser donc leur propre mode de communication entre guillemets avec la console. Ce qui fait que aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus de manettes third party One ou PS4 pas chères. Ça n'existe pas. Vous avez du haut de gamme, vous avez du très haut de gamme, mais il n'y a pas de manettes pas chères comme il y avait sur PS2 ou PS3, ces espèces de manettes cheapos qui ressemblent à rien, Under Control ou Dieu sait quoi. Et donc, c'est les fabricants qui ont dû se renouveler, quoi. Under Control, oui. C'est terrible. Hein. J'avais une manette, parce qu'ils se sont amusés à faire des manettes de rétro gaming aussi, Under Control. Oui. La manette de Super NES qui te laisse pas appuyer sur deux directions en même temps, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de diagonale. J'en ai une dans la chambre, en fait, c'est la manette pour quand je répare des Super Nintendo, quand j'ai pas envie de sortir une manette, en fait, pour tester, genre si tout va bien. Ouais. C'est juste la manette, elle me sert à appuyer sur Start pour vérifier si les jeux se lancent bien, et c'est tout. Parce que si on veut parler de Big Ben, il faudra jamais oublier la manette Dreamcast, Big Ben. Quoi ça ressemblait, ça? Qui est l'une des... on pensait que la manette Dreamcast pouvait casser des mains et des doigts. Ouais, alors, ouais. Multiplier ça par 1000. C'était un enfer, cette manette. J'ai pas ça, c'est le pire. Ouais, pendant que vous faites des recherches sur cette manette Big Ben... Je peux juste, parce que j'ai eu un petit souci de micro tout à l'heure, j'ai pas pu en parler. Je me permets un petit retour en arrière, parler de la Super NES. Donc c'était une époque où la 64 était déjà en bien milieu de vie, donc 64 PlayStation et tout, mais moi j'étais Team Nintendo bien sûr. Mais j'avais plus de manette Super NES en état de fonctionnement. Et en gros, dès qu'on voyait un truc dans un magasin, un cash ou autre, on le prenait. Et j'avais ce stick que j'ai linké dans le chat plus tôt, qui, au premier coup d'œil, est très bizarre. c'est un stick donc de JB King, pardon. Mm-hmm. Super joystick, il s'appelait. Et tu vois pas paraître... bien. Peut paraître... Il est en photo là sur le chat. Il peut paraître très étrange au premier abord, hein, et en fait, les boutons et tout sont super cool. Il est juste un petit défaut. Le placement des boutons L et R, le bouton L, il est à gauche du joystick. Bah, c'était le cas sur le Super Advantage, je crois. L et R qui sont, ils sont placés bizarrement. Et le bouton R, par contre, il est à droite, mais c'est des grandes barres. Enfin, c'est très bizarre. Mais par contre, il y avait un truc complètement incroyable avec ce stick. Vous avez la photo là, mais vous pouviez faire tourner les boutons A, B, X, Y. Tout faire tourner. Le truc était démontable comme on voulait. Et il y a des potards pour régler, en fait, quand on appuyait sur un bouton, on pouvait régler la vitesse d'appui du bouton, en fait. Ou si vous restiez appuyé, vous pouviez appuyer toutes les millisecondes, toutes les machins et tout. Et vous pouviez paramétrer entièrement votre stick comme ça. Et ça, c'était fou. Mais C'est presque ça, mais c'était pas totalement ça. Okay. Mais c'est dans cet ordre d'idée-là. Mais voilà, c'était un espèce de truc qui ressemblait à rien. Ah oui, je vois ce que tu veux dire par on peut faire tourner les boutons, d'accord, oui, effectivement. Ouais. Ouais, ça ressemblait à rien. Il y avait plein de fonctionnalités qui étaient peut-être pas utiles pour une Super NES d'ailleurs, mais voilà. Mais sachez que du coup, j'ai passé une grande partie de ma vie, par exemple, à Donkey Kong Country, je l'ai fini avec ça. Ah oui. J'avais plus que ça quand j'avais le jeu, donc. D'accord. Et voilà. Et moi, donc j'avais. Il faudrait peut-être parler vite fait, peut-être des. Après, on va nous dire qu'on parle pas assez des micros. Oui, de tout ce qui était de joystick générique pour on va dire du de la on va dire de l'Apple 2 jusqu'à l'Amiga. Voilà. Alors, bah, je pense que tu voulais il y avait les joysticks qui étaient qui prenaient justement avec le manche avec la forme d'un personnage connu, non, c'est ça que tu voulais dire peut-être. Oui et non, enfin je veux dire tout ce qu'on pourrait baptiser de joystick slash manche à balai. Bah, manche à balai quoi, ouais. Ouais voilà quoi. Il y genre, avait le joystick grenade. Oui, ouais, bon, c'est vraiment les extrêmes. Mais... celui-là, c'est l'un de mes préférés. J'ai beaucoup joué avec celui-là. Après, il y en a un qui est excellent pour tout ce qui est de. Ah, tout ce qui est Atari ST, Amiga, et je me sens aussi qu'il doit être compatible sur l'Atari 2600. Un joystick qui s'appelle le Competition Pro, qui est un joystick full micro switch. Il est génial. Mais attention, généralement, on en voit maintenant à des prix débiles pour un joystick cassé. Généralement, on en voit des fois sur eBay ou quoi, tomber aux alentours des 30-40 balles alors qu'il est défectueux. Et celui-là était vraiment très bien. Et par contre, un qui était tout pourri, je crois qu'il s'appelait, il s'appelait pas le Speed King, si Speed King Joystick. Ah la vache, la marque Konix. Avec ses deux boutons qui sont dans la paume de main, mais t'as quand même besoin de ta main droite pour bouger le stick. Alors là, si t'aimes bien avoir des crampes dans les mains, c'est génial. Et en plus, c'est de la merde. Et le Speed King, moi, je me souviens, le Speed King a un seul bouton que j'utilisais. J'avais un pote à moi qui l'utilisait sur Master System. Ce genre de truc. Un seul bouton, c'était pas la version spéciale pour Atari? Oui, d'un seul bouton, oui, c'était pour les micros. Oui. La version bouton, oui. Et alors attention aussi, faisait gaffe avec... tous ces joysticks qui utilisent des connecteurs DB9, et ben parce qu'en fait, il y a le TI-99 qui est venu et qui a tout baisé. Alors le TI-99, c'est Texas Instruments, je crois, ça. Oui. Oui. Et en fait, si ma mémoire est bonne, le pin-out, donc en gros la répartition des boutons et tout machin, c'est le même connecteur, mais ben, en fait, c'est pas la même, placé de la même façon. Ce qui fait que j'ai un joystick, sans rire, hein, c'est vraiment de la marque Amiga, parce qu'avant que ce soit une gamme d'ordinateurs, c'était une compagnie indépendante Amiga, si on l'oublie un peu. J'ai des joysticks de la marque Amiga, tout content je les reçois, je le branche, je dis mais pourquoi il marche pas? Et en regardant, en fait, eh ben, ils étaient faits pour le TI-99/4A, et du coup... Eh ben c'est normal qu'il ne fonctionne pas. Donc, je vous le dis, faites gaffe quand même. Beaucoup de trucs en DB9, parfois c'est la même connectique, mais vérifiez quand même, histoire de ne pas envoyer du 5 volts sur la masse. Ce serait dommage de te faire tout faire cramer pour un joystick. Donc, voilà. Ok. Moi, sur le coup, j'ai envie de parler d'un autre stick, mais je vais le garder pour un peu plus tard, parce qu'on va en parler de plus tard. Ouais. Rapidement, pour passer donc sur le coup à ce, par contre, avec quoi les joueurs consoles jouaient, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la fameuse révolution d'iPad, ou comment Nintendo, avec son Game & Watch Donkey Kong, a inventé la croix de direction. On peut dire ça. Un certain Gunpei Yokoi, hein, si je dis pas de conneries. Encore lui. Toujours là dans les bons coups. Et donc, qui invente cette idée que il suffit d'appuyer sur une des quatre directions pour diriger son personnage. Waouh! Avec son pouce. Wow. Et surtout, Mais ce qui est ouf, c'est que cette idée, elle est pas eu avant, parce que finalement. Enfin, on joue dans un espace 2D, et ben on prend une croix quoi, voilà, qui représente un espace 2D, et puis enfin un repère 2D, et puis c'est tellement naturel. Non, mais quand on y pense, c'est naturel. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, on y pense, c'est naturel, mais c'est personne n'y avait pensé avant. Bah non, c'est un génie. Vraiment ouf. Ouais. Et donc sur le coup, bah, on peut pas. Alors comme tu dis, on peut toujours critiquer le côté anguleux des manettes NES. Mais on ne peut pas nier que non seulement cette croix de direction est extrêmement agréable, mais en plus, c'est increvable. Ah, par contre, oui. Ça, par contre, je suis d'accord. Bah, sur système, un peu moins, mais NES, oui. Bon, voilà, les Master System avaient... comment dire, c'était un... une surface pleine avec un petit contour en plastique autour pour rester dans son position. Dès que vous appuyez un petit peu fort, vous aviez l'habitude de casser ce petit contour en plastique. À partir du moment où il était cassé, à chaque fois que vous appuyez un peu fort sur votre manette, ça sortait de son emplacement, ce qui était extrêmement désagréable. Voilà. Bon. Mais là, Nintendo a inventé donc a inventé le D-pad et sur le coup, là, comme on a dit, breveté. Ce qui a empêché également les autres. Ah ouais, mais c'est pour ça que toutes les autres consoles après n'ont pas pu avoir cette croix. Ils ont senti le coup venir. Hein. Après, il y a aussi comment dire, une controverse qui est aussi longue que le dépôt du brevet. Parce qu'il y a plein de périphériques en fait, sortis dans les années 70 qui avaient un dispositif similaire. Mmh. Je ne me souviens plus quoi exactement. Je crois qu'il y avait un jeu sur Microvision qui avait un truc comme ça. Si ma mémoire est bonne. Après, et il y a aussi différents jeux électroniques aussi. Effectivement, ça c'est possible. C'est comme par exemple avec la comment ça s'appelle, la Nintendo DS qui avait un écran tactile et qui a complètement révolutionné la façon de jouer. Et j'irais presque même les téléphones immobiles et tout. Mais alors qu'en fait, les écrans tactiles ça existait depuis bien avant. Mais toujours pareil, ouais, c'est celui qui a démocratisé le truc. Pour le jeu en fait. Ouais, voilà. C'est toujours celui qui a démocratisé le truc et qu'on va retenir. Donc c'est possible qu'effectivement, avant il y a eu des. Ça, je sais pas par contre, je pourrais pas dire. Mais... Et après, donc sur le coup, comme tu dis, on aura donc des constructeurs adverses qui adopteront tous la même idée de croix directionnelle avec du bonheur, la manette Mega Drive 6 boutons, la manette Saturn. Moins de bonheur, la manette Dreamcast ou la manette PlayStation. La manette 360 aussi. Hein. Même si pour moi, la manette PS1, pour moi, la manette PlayStation, la croix de direction, ça va. J'arrive à jouer avec. Ah oui, ouais, moi pas, aussi, mais elle est pas ouf. Franchement, elle est pas ouf. Par contre, la manette Dreamcast, on en parle des bouts recourbés. Je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient quand même trouvé le moyen de recourber les bouts. Et ça défonçait les doigts quand vous commenciez à jouer au jeu combat. Il y avait ça, il y avait le câble qui sortait pas au bon endroit et qui te faisait chier, qui sortait par le bas. Et pourtant, j'aime la manette. Hein, mais... Ah, moi aussi, hein, moi aussi. Il y a des moments, c'était compliqué. Hein. Durant toute la durée de vie de la Dreamcast, même quelques années après, je jouais encore à Marvel Capcom 2 et à quoi ? À Soul Calibur 2. Je l'aime bien, cette console, j'ai d'excellents souvenirs. Mais sa manette, c'est juste, je peux pas, quoi. Je peux juste pas. Après, il y a eu des pads aussi qui se. Ben, par exemple, on a parlé de la Jaguar qui n'était pas nullissime. La manette 3DO aussi n'était pas nullissime. Les manettes PC Engine étaient de très bonne qualité. La manette 3DO, elle est franchement pas mal. Le problème, c'est qu'elle n'a pas 6 boutons, elle n'en a que 5. Ouais. Alors, ben, alors, si tu veux jouer à Street 2 Turbo, ben, tu peux pas. Ouais. Et pour les. Ouais. Et pour les manettes PC Engine, pour les avoir pratiquées, c'est vraiment beaucoup. Je veux dire, elles avaient quand même un défaut qui était inhérent aux jeux japonais en général, c'est que le câble était très court, tu vois. Et du coup, fallait toujours jouer près de la console. C'était un peu pareil pour les Famicom, il me semble, hein, de toute façon. Le câble, en fait, est connecté. Enfin, tu peux pas déconnecter en fait la manette. Elle est, on disait que c'était soudé, mais en fait, je pense pas que ce soit soudé de mémoire. T'as un connecteur à l'intérieur qu'il faut déclipser. Mais faut démonter ta console pour pouvoir retirer la manette. Quoi. Ouais, ouais, voilà quoi. Donc du coup, en plus, le câble était très épais. Et en plus de ça, du coup, quand tu trouves maintenant une Famicom modèle 1, bah en fait, tu dois surtout faire attention à l'état des manettes. Ouais. Parce que dans le fait que les manettes, tu peux pas les remplacer facilement. Du coup, forcément. Du coup, c'est relou quoi. Et puis les croix, la croix, alors je sais pas, mais Boss dit que les croix de direction de la PC Engine, les manettes. Des fois, ça pouvait être bancable au bout d'un moment quand même. C'était pas. Enfin, il me semble quoi. Par contre, il y avait un truc tout bête dans les manettes PC Engine qui était génial, c'est que t'avais des autofire inclus dedans. Ah ouais. Ça, c'est super. Et du coup, tu sais, c'était sur 3 échelles. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, j'ai pu passer le 3e niveau dans PC Kit, parce que moi, je savais pas ce que c'était qu'un autofire quoi. Et du coup, mon bonhomme, il sautait pas assez loin, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas aller plus loin dans le jeu. Run, quoi. C'est ça. Des boutons run. Ouais. Enfin voilà. Mais c'était des bonnes manettes. Et juste parce que les gens ne la connaissent pas forcément, je vous mets un petit lien dans le chat. Pouf. C'est une manette aussi pour Philips CDI. La cuillère. Placée ô combien avantageusement justement la télécommande. Oui. Pas plus que la télécommande. Hein. qui est une manette qui est très agréable pour jouer au Philips CDI, pour peu que vous trouviez un jeu à jouer sur cette console. Oui, aussi. Parce que tu as pire que la télécommande. Tu as ce qu'on appelle la cuillère. Enfin, moi, j'appelle ça la cuillère. Je crois qu'ils appellent ça paddle controller. Oui. Ah, ouais, effectivement. Mmh. Ouais. Mais moi, pour moi, ça a toujours été une cuillère, ce truc. C'est vrai. Je vois la forme, oui. Bah attends, je mets la photo dans le chat, voilà. Pour moi, c'est une cuillère en plastique avec un fil. Et moi, c'est la seule manette que j'ai sur mon CDI. Cool, t'as besoin de manger. J'en ai des jeux. T'as besoin de manger de la soupe. Ah, quoi que non, je dis rien. J'ai acheté Mad Dog Macri il y a pas longtemps avec le gun. Cuillère. Arthur. Et voilà. Faire une manette comme ça, quoi. Ah, c'est Philips. Tout ça pour finir par glisser donc sur rapidement. On en a parlé avec la Dreamcast, c'est arrivé sur la génération d'avant où donc les manettes analogiques, les joysticks analogiques sont venus remplacer petit à petit les croix directionnelles. Alors l'œuf ou la poule, qui c'est qui a commencé en premier? C'était Nintendo avec sa Nintendo 64, Sega normalement. C'est... Oui. Bah Sega Knight, sur Saturn avait le, déjà le Pad Knight, le Pad Knight est sorti. Knight, ouais. Ouais, oui. Donc Sega qui décide donc de sortir pour sortir un pad, et donc quoi de mieux pour sortir un pad que de sortir un jeu qui l'utilise exclusivement. Mmh. On peut jouer à Knight sans le pad, mais c'est pas très jouable. Voilà. C'est... Et donc de mettre la Sonic Team sur le coup plutôt que nous sortir un Sonic. Et donc ça donnait un jeu de scoring qui est oui effectivement extrêmement court, mais qui est plutôt agréable à parcourir. Après, et la Nintendo manette, oui, la manette est pas, par contre, il faut dire que la manette, elle n'est pas. Oui. En termes de prise en main, la manette analogique de Knights, elle n'est pas. Ça préfigurait de la manette Dreamcast, ouais. Moi, je trouve. C'est ça. Ouais. C'est quasiment la même chose, t'as raison. Ouais. J'avais jamais fait le rapprochement, tu vois. En plus, moi, j'ai la version Jap, donc blanche avec les boutons de couleur et tout. Et au début, je l'ai acheté, j'ai fait, ouais, mais attends, c'est ouf. Ils ont récupéré les trucs derrière et tout pour en faire une meilleure manette, mais c'était pas encore ça. Mais c'était le début, donc c'est déjà pas mal. Et après, donc rapidement après, parce que je vérifie quand c'était Night Saturn. Hop, c'était. Ouais, enfin, d'accord, c'était Night Saturn, c'était en juillet 96, et la Nintendo 64, c'était en juin 96. Donc la Nintendo 64 a précédé, comme quoi, au Japon, Knight. Mais il y avait également du côté de chez Sony la première tentative. Et c'est là que je vais remplacer. Donc, je voulais en parler dans les joysticks, mais je vais en parler là rapidement de cette manette oubliée de la PlayStation dont je mets le lien dans le chat. La manette que tu tournes pour jouer à Real Racing. Ah oui, celle que tu fais. Ah, le fameux analogue joystick PS1 qui est. Oui. L'ancêtre, ni plus ni moins que la Dual Analog, qui deviendra la DualShock. Alors, ça a l'air d'un sacré bordel comme ça. Il n'y a pas des masses jeux compatibles. Les plus notables, c'est les Ace Combat 2 et 3, Ape Escape, Descent, NDK, Vigilant 8 ou Wing Commander 4 sont compatibles avec ça. J'allais dire Ace Combat avec ça, ça doit être terrible. Hein. Voilà. Wow. Ah, mais même Descent, c'est terrible avec ça. Ah, Descent, ça doit être. Ah, oh, Descent, ça doit être. Je pense que le jeu n'avait pas été développé pour ce truc-là, non? Il y a le petit autocollant dessus, oui, pour montrer que c'est compatible. Mais ça, Bilon, toi, tu. Normal, c'était l'enfer. Toi, Bilon, tu y as joué comme ça, justement. Oui, je l'ai cette manette. Ouais. Et c'est vraiment. Bon, c'est extrêmement encombrant. Peu de jeux sont réellement compatibles avec. Mais ça, vraiment, c'est la première vraie manette analogique PS1. Ah, attends, voilà. Capsiver a dit Armored Core aussi était compatible avec. Alors, bonne question. Armored Core, ça ce serait dément aussi. Hein. Ah oui, oui, ça donnerait envie de l'avoir. Ouais. Je vérifie ça. Et donc après, Sony est arrivé donc avec son Dual Analog dans le premier temps, mm-hmm. qui deviendra le Dual Shock lorsqu'ils rajouteront des vibrations. Ouais. Oui. Vibrations qui, entre temps, étaient donc popularisées par Nintendo sur Nintendo 64 avec son Rumble Pack. Ouais. C'est ça. Bon, après, tu as une manette toute bizarre aussi sur PlayStation qui s'appelle la Neckcon. Oui, chez Namco. Mm-hmm. Ouais, c'est celle qui est pour jouer à Ridge Racer. Voilà. Il fallait la tourner et tout, c'était. Ouais. Alors j'en ai une. C'était super bizarre comme manette. Ah, c'est étrange. Ouais, mais dès l'instant où t'as joué en fait un jeu qui est compatible avec cette manette, tu te dis en fait c'est vachement bien foutu. En fait, le truc qui est le plus bizarre, c'est pas que la manette elle se tord, c'est le fait que tu as pas en fait croix carré, rond et triangle, tu as B, A, 1 et 2. Et tu as les boutons tranche L et R qui sont surdimensionnés, qui sont d'ailleurs pas confortables, mais les boutons 1 et 2 en fait, ils sont analogiques eux aussi, les boutons. Et c'est très bizarre. Et du coup, tu n'as même pas le bouton select sur la manette, tu as qu'un bouton start. Je l'ai sous le pif, j'allais l'emballer dans mon déménagement et elle a survécu à un carton. Non, mais c'est pareil en termes de brainstorming, les gens qui ont décidé de faire cette manette. Alors, en fait, à l'intérieur, je ne l'ai pas démonté, mais dans l'idée que je m'en fais, c'est en fait une manette classique, sauf qu'à un endroit, ils ont mis un potentiomètre avec un ressort, en fait, je pense. Ou un système un peu similaire. C'est une bonne idée, c'était bien de le tenter, comme on dit. Moi, j'aime bien cette manette. Elle est bizarre, mais. Petite parenthèse rapide, donc Cap Silver, il y a un épisode d'Armored Core qui s'appelle Armored Trooper Votoms avec des mechas. Et il y a MechWarrior 2 qui est compatible avec, avec cette fameuse duel anal. Ah, mais c'est Armored Core, c'est un qui n'est pas sorti chez nous, je crois, celui-là, je sais plus. Ouais, bref. Bon à savoir, je note. Et donc c'est comme ça que petit à petit donc toutes les manettes ont adopté le joystick. Hein. Alors évidemment on s'est mis à faire des trucs qui tiennent dans le temps, hein, pas comme la Nintendo 64. Voilà, c'est ce que j'allais mentionner. Ouais, aussi. La grosse blessure de la 64, c'était clairement ça. Baissait en plus, c'était une erreur de conception. Hein. T'avais une sphère en plastique qui touchait un fond en plastique, forcément ça gratte. Hein. Attends, moi il y a pire maintenant. Hein. Ah ouais? Il y a le truc des Joy-Con, j'en ai démonté un cette semaine, la vidéo je l'ai pas encore mis en ligne. Ah oui, oui. Je suis furieux de ce que j'ai découvert en fait. En fait, on m'a filé un Joy-Con, voilà, remplacer un joystick. C'est bidon, hein, en une demi-heure, c'est torché. Mais comme le joystick était pété, mais vraiment pété, je me suis dit, je vais l'ouvrir. Bah en fait, imagine-toi le même système, la même conception qu'un truc de Nintendo 64. Mais en plus petit et dans une cage métallique. Et t'as en fait les joysticks des Joy-Con. Voilà comment c'est fait. D'accord. Ni plus ni moins. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Et ah ouais, non, de toute façon, la vidéo, je vais la mettre peut-être sans doute ce week-end en ligne. Je me suis même demandé en fait si c'était un truc officiel. Et oui, parce que je sais qui m'a passé ce Joy-Con. Je sais très bien qu'ils n'auront pas eu l'idée de l'ouvrir par eux-mêmes. Mmh. Après, donc, pour la N64, voilà. Effectivement, quiconque a joué à Mario Party. Hein... Oui, voilà, c'est. Non, mais de toute façon, c'est un plastique. Je pense que Mario Party, c'était un peu le décathlon, en fait, de. C'est ça, mais oui, c'est exactement ça. Non, mais les Joy-Con, ils ont mauvaise presse, de toute façon, quand même, quoi, dans leur fiabilité. Quoi. Au niveau fiabilité, je pense que c'est le truc le plus pourri que j'ai vu depuis la 64, mais la 64, t'avais rarement des problèmes. Dans les 6 mois ou dans l'année qui sortait ton achat. Donc, on a quand même gardé nos manettes 64, nous, pendant plus de 10 ans. J'en ai encore d'époque, là. Le joystick est lâche, donc faut pas jouer à des jeux trop précis, mais c'est. Mais ça marche quand même encore. Quoi. Ouais. Voilà, tandis que LOL, t'as quand même deux défauts majeurs sur le joystick. Soit le joystick bouge tout seul, ou le cliquetis, qu'on appelle L3 ou R3, marche pas, et dans ce cas-là, moi, c'est celui-là que j'ai eu à remplacer en entière. C'est en fait que l'axe a cassé, tout simplement, et en fait, il est venu taper contre la cage en métal du joystick. Et donc, à l'intérieur, il y a des morceaux de plastique partout. Ok. C'est génial, hein, ces trucs. Bon. Enfin. Avant de glisser subrepticement vers la fin de cette rétrospective et de parler donc de jeux en mouvement, oh les gros mots, je voudrais rapidement parler des contrôleurs, je l'ai dit, spécialisés et en particulier faire un petit tour d'horizon rapidement des rhythm games, des jeux de rythme, et parler notamment donc voilà de tout ce qui est la fameuse gamme Benami. Donc je pense que Cap Silver connaît un peu. Les donc avec les fameux Guitar Freak et Beatmania, notamment au Japon. Mm. qui donc sont les premiers vrais jeux musicaux avec des instruments, reproduction d'instruments réels, mais qui ont eu toutes les difficultés du monde à s'exporter en dehors du Japon, notamment dû quand même à, outre une certaine austérité dans la présentation, des playlists quand même franchement pas du tout ouvertes sur, sur le reste du monde. Enfin, je sais pas ce que, si vous avez déjà joué à ça. Moi, j'ai le Beatmania. Le premier Beatmania était effectivement sorti sur PS1. Ouais, j'ai même les deux, en fait. Apparemment, il y a plusieurs modèles, en fait, de manettes bizarres. Comment ça s'appelle, ces trucs? Enfin, bref, il y a le modèle qui est sorti chez nous et qui est dégueulasse. Il y a un modèle un peu moins dégueulasse et il y a le modèle grand luxe. Bon, le modèle grand luxe, j'ai pas poussé le vice à l'acheter. Mais les deux que j'ai, je suis tombé dessus par hasard. Soit en brocante, soit dans des caches. Et à l'époque, je les avais pris quand même. Non, moi, j'ai jamais joué à ça. Et donc, c'est cool, bah, comme jeu. Le truc, c'est que pour arriver, bon, on savait que ce genre de jeu pouvait fonctionner en Occident, mais il fallait d'une part changer l'emballage en mettant quelque chose d'un peu plus fancy, et d'autre part adapter la playlist tout simplement à l'Occident, ce qu'a fait très bien donc Guitar Hero, qui a réellement chez nous fait exploser le style, qui et donc on a vu passer un DJ Hero également qui reprenait le principe de Beatmania. Je l'ai aussi. Voilà. Et ensuite, le principe s'est étendu à Rock Band, où on a rajouté d'autres instruments, la basse, le chant, la batterie et même le clavier dans Rock Band 3, ceux qui se souviennent, même si plus grand monde s'en souvient maintenant. Et on a poussé le principe au maximum jusqu'à Rocksmith, qui est ni plus ni moins qu'une méthode d'apprentissage à la guitare réelle, on peut dire ça comme ça. Littéralement. Bah, en fait, Rocksmith, tu peux brancher une vraie guitare. Ouais. Donc tu as leur, ouais, voilà. Fameuse, tu as leur fameuse guitare avec ce... Je sais plus, à la base, ils avaient prévu de faire une guitare avec 104 touches, je crois. Et ça s'est transformé en une guitare avec des cordes, quoi. Enfin, ouais, d'accord. Ouais. Bah là, c'est plus... on n'est plus dans... Enfin, ça touche plus tout le monde, là, par contre. Hein. C'est... Non, par contre... C'est bien, mais c'est musicaux, plus un jeu. Voilà, ouais, c'est ça. En jeu musicaux, t'as oublié un truc en termes de contrôleur. Ah, tu veux... Les micros. Les micros. SingStar. Ah oui, effectivement. Eh oui, et surtout SingStar Johnny Hallyday, le meilleur. Hey, hey, you Pikachu. Sur Nintendo 64. Et Seaman sur Dreamcast. Et oui. Voilà. Désolé. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs, mais SingStar aussi, les micros font partie des contrôleurs, effectivement, un peu particuliers, mais... Ah, j'ai pensé que tu voulais évoquer, revenir un peu, parler toujours de Konami, donc comme tu dis, Cap, qu'ils ont eu... Konami a eu du mal à exporter ses jeux musicaux en Europe. Effectivement, DDR, je crois, est en une des plus preuves les plus importantes. Ah, les tapis, ça a marché quand ils ont fait la collaboration avec Nintendo, quoi. Ben, voilà, le Mario, mais même le Mario, c'est un des jeux les plus obscurs de la GameCube. Soyons honnêtes, hein. Pas grand monde qui le connaît, le Mario DDR. Ah bah je connais, là tu me l'apprends. Je connais, mais j'ai jamais joué, parce qu'en fait j'ai le tapis, mais j'ai pas le jeu. Il y a un jeu qui s'appelle Mario Dance Mix, sorti en Europe, y compris sur GameCube, avec des personnages Mario et un vrai tapis officiel DDR. Et le problème de Dance Revolution, bon, outre le fait que les tapis de salon, entre guillemets, bon, on est quand même loin des tapis en dur de l'arcade, hein, ça, pour jouer, c'est quand même pas tout à fait la même chose. D'accord. L'autre problème, voilà, c'est les playlists qui sont vraiment orientées très... Ouais, j'ai toujours eu un peu de mal avec les playlists DDR. Dès qu'ils ont commencé à s'ouvrir d'autres licences comme Mario ou Disney, c'était tout de suite plus sympa parce qu'on connaissait les musiques, mais... C'est ça. Sinon, si ça se contente juste, ça se cantonne à de la J-pop, oh là. C'est exactement comme tu cites, Cap, voilà, des Taiko no Tatsujin, Taiko, en vrai, les dernières versions sorties, la moitié des morceaux, on se regarde un peu en mode, bon, oui, je connais pas des masses. Mais Taiko, c'est vrai que c'est même pas valable parce que le premier Taiko, enfin, le premier, sur PS2, ils avaient tenté de sortir Taiko, donc aux États-Unis, ça s'appelait Taiko Drum Master, en adaptant la playlist à l'Occident, et même là, ça avait pas pris. Donc. Et là, c'est la première fois qu'en plus le petit tambour arrive chez nous quand même. Ou pas? Sur Switch, nous, c'est la première fois que le tambourin arrive chez nous de manière officielle en Europe. Ouais, oui. Ouais, voilà. Donc ça mérite d'être souligné quand même, quoi. Je veux dire, la démarche là. Quoi. Et le problème de ces jeux musicaux, c'est, on l'a vu notamment dans ce qui est Guitar Hero et Rock Band, c'est que c'est très, ça marche un moment et puis voilà, ils ont tenté avec Rock Band 4 et Guitar Hero Live de remettre ça sur le devant de la scène, ce qui a fait un bide intersidéral. Hein. Faut pas se le cacher. Parce qu'ils se sont pas renouvelés au bout d'un moment. Parce que d'une part, Rock Band s'est pas renouvelé au niveau gameplay. À côté de ça, Guitar Hero a essayé de se renouveler, mais ils ont fait un modèle économique que les gens ont détesté, clairement, avec ces playlists aléatoires où il fallait payer pour pouvoir jouer les morceaux que tu voulais. Les gens ont détesté le principe, le modèle économique de Guitar Hero, ils se sont plantés là-dessus. En même temps, s'ils avaient mis playlist musclée, hein, ça se serait vendu. On n'écoute jamais. La merguez partie, moi je pense D'habitude, Bozic, t'aurais mentionné la compagnie créole. Ouais, mais compagnie créole à la guitare, c'est un peu plus compliqué. Bozic, imagine. Le bal masqué. Accordéon Hero. Il existe dans ma tête et dans mon cœur. Voilà, t'as l'accordéon en plastique et voilà, et tu joues sur des musiques d'Yvette. Et t'as Giscard, tu vois, en bas de l'écran, tu le vois jouer de l'accordéon. Il existe dans mon cœur, tu sais. Oui, je sais bien. Passons. J'ai envie de vous parler d'un dernier petit truc. Une manette, il n'y a que moi qui connais. Hein. Connaissez forcément Louis Balance Board. Mais vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle le Joyboard. Bon, je l'ai mentionné dans le chat. On va parler de ce que j'ai parlé, ce que c'est vite fait. Donc, ça vient de chez nos amis Amiga Corporation. Mmh. Il me semble, avant, c'était même iToro, je crois. Ouais, c'est ça. L'autre nom de cette boîte. Et en fait, c'est un truc qui ressemble à une Wii Balance Board. Tous ceux qui ont eu un Amiga connaissent le fameux truc, le fameux message Gourou Méditation. Mais en fait, le nom Gourou Méditation vient en fait de cette manette un peu bizarre. Où il disait aux gens, bah, si t'es énervé que le système en fait te crash, essaie un peu de t'asseoir en tailleur sur le joyboard, pour atteindre en fait, comment ils appelaient ça, pour créer une attitude de méditation zen, voilà. Voilà, et ça vient Gourou Méditation, ça vient du coup du Amiga Joyboard. D'accord. C'est un truc dégueulasse que je cherche depuis un certain nombre de mois à un prix respectable. même pété, je m'en fous, j'en veux un, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais, tu cherches ça Uniquement pour marrer, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'à mon avis, il n'y aura que dalle. Mais voilà, je tiens vraiment à savoir ce qu'il y a dedans. Donc tapez Amiga Joyboard, vous allez voir, c'est chelou. Rapidement, au niveau des jeux musicaux, il y en a un dernier que je voudrais mentionner rapidement, même s'il est tout à fait anecdotique, c'est le fameux Samba de Amigo, la Dreamcast. Il n'est pas anecdotique. 1500 exemplaires en Europe, le jeu le plus rare sans doute en version PAL à l'heure actuelle. Ah ouais. Oui, mais tout le monde connaît Samba de Amigo, parce qu'il est sorti sur Wii aussi. Alors Samba de Amigo, alors sur Wii, c'est... Ouais, voilà, non, mais alors, par contre, je veux juste parler de la version Dreamcast, parce que c'est vraiment celle-là qui a tout lancé, avec cette paire de chacha filaire. alors, ne rêvez pas, hein, c'est pas précis pour dessous. C'est même pas agréable à jouer en vrai. Tu sais que sur la Wii, ils n'ont pas réglé le problème, c'est même pire. Ouais. Sur la Wii, c'est un enfer. Sur Dreamcast, moi, j'ai fait partie des gens qui ont acheté des paires de chacha en s'illusionnant que ça pourrait être super drôle. Mais en vrai, c'est... C'est un enfer à mettre en place. C'est juste de la samba sur Dreamcast avec un singe et des maracas, quoi. C'est du génie. Mais évidemment que c'est bien. Par contre, là où Sega a fait très fort, et encore aujourd'hui, c'est sur les playlists des deux Samba d'Amigo. Ils sont juste craqués. Mais vraiment, ça se alors là, vous avez du Ricky Martin, vous avez Samba de Janeiro et vous avez des titres de jeux Sega. Allez, c'est bon. N'en jetez plus. C'est génial. Rien que pour la playlist, effectivement, c'est... Parce que je suis désolé, mais Living la Vida Loca avec les maracas, bon, voilà. Non, mais Samba de Janeiro, pareil. Hein. Non, mais comme tu disais, c'est très peu maniable, en fait. Hein. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, le problème, c'est qu'au chacha, c'est pas précis. Les chachas, c'est pas des trucs précis. Ça tombe en panne facilement. Ouais. C'est pas sans sas. Ah, la canne à pêche Dreamcast, effectivement. On n'a pas parlé des jeux canne à pêche aussi, oui. C'est rigolo. Et même aussi des guns qu'on n'a pas... Bah oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, Bah, les guns, c'est, donc... c'est un gros pavé aussi. Bah oui. Bah, bon, oui et non. Parce qu'en même temps, les guns, il n'y en a pas 150 à... Parce que ça, ça aussi, c'est vite tombé en désuétude. Parce qu'en fait, une fois passé la PSR et son... comment il s'appelait ce jeu, Time Crisis, c'est ça? Après, c'était fini. Je veux dire, par exemple, sur Xbox, la première Xbox a eu un House of the Dead 3, mais il n'y a jamais eu de pistolet officiel pour jouer avec. Ce qui, quand même, est super rigolo. Et sur la Wii, pas besoin, il y avait, il y avait Nunchuk Wii Mode pour jouer. Il y avait un bout de plastique, un pistolet vide, dans lequel tu mettais le Nunchuk, le Nunchuk, et puis tu jouais comme ça avec. Voilà. Et... la Wiimote, je veux dire, mais je l'ai et ça fonctionne très très bien. Bah, ils ont fait pareil pour le jeu Zelda, là, le Link Crossbow. Ouais. Oui. C'est ça. Oui. Et par contre, oui, la Cap le mentionne dans le chat. Donc il y a eu une époque où il fallait faire toujours plus et où donc Nintendo nous a sorti le fameux Super Scope dont Moa nous a déjà parlé avec beaucoup d'amour. Ah oui, ah bah attendez, mais ça, je sais que j'en cherche toujours un, hein, par contre, depuis que j'ai récupéré une télé cathodique. Et donc, sur le coup, en face, Sega a sorti aussi son pistolet qui s'appelait le... Oh, comment il s'appelait le menaceur. Le menaceur. Le menaceur, c'est sur Mega Drive. Sur Mega Drive. Mais le ne ressemblait à rien, par contre. Hein. Rien, je rejoins Moa, il était vraiment bien, le Super Scope. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est si vous êtes du côté de Strasbourg et que vous en voyez un ou vous en avez un à vendre, allez-y, moi je. Mais vous savez que j'en ai un à vendre en loose, mais non. Alors, j'en ai un en boîte aussi, mais voilà. Il est à moi. Ouais. Et après, il y a les pistolets qui étaient juste cool et qui fonctionnaient bien, comme le Justifier de Konami ou le Gun Saturn pour jouer à Virtua Cop, qui marchait très bien. Très cool. Mais ça a toujours fonctionné. Par contre, cette technologie de pistolet, ça a toujours bien marché, ça, par contre. Hein. C'était efficace. Hein. Mais en fait, et ça rejoint le fait de pourquoi ça a été en plus abandonné. C'est... Bon, je pense que déjà, il y a eu une mode qui est passée. Oui. Et par contre, qui n'est pas revenue, parce qu'après, avec les écrans LCD, là... C'est ça, ouais. Ils ont eu du mal à retrouver des trucs pour fonctionner. Il n'y a que, justement, la Wii, avec son système de motion gaming, où ils ont réussi à bricoler des trucs... Mais c'était très compliqué, hein. Ouais, ouais. Et c'est dommage parce que c'était très efficace. Mais même les premiers sur NES avec son ça existe depuis la ManiaVox Odyssey, ce truc. Ouais, ouais. C'était déjà efficace dès le début, c'est ça que je veux dire. C'était voilà. J'en ai acheté un il y a pas longtemps pour l'Odyssey. Bon, j'ai essayé de le faire marcher. Je sais pas si c'est du coup ma télé qui prend pas le truc ou si c'est le gun qui est cassé. Ça s'appelait Shooting Gallery sur ManiaVox. D'accord. Et par contre, là, c'est une carabine. Hein. C'est une carabine en plastique. Ah ouais, c'est marrant, ça. Et le truc, et t'as même une, comment dire, le truc comme sur les fusils à pompe qu'on voit dans les films. Avec... voilà. Redis le nom. Je me suis amusé à faire ça. J'ai un pote qui montait dans la cage d'escalier. Je vais aller le truc. Il m'a dit, c'est quoi le bruit? J'ai dit, c'est un jouet en plastique. Et voilà. Si tu peux recharger la. je vais dans la pièce à côté, mais bon, je vais pas aller le chercher. Tu peux redonner le nom, monsieur Chou. Sega fait la même. Hein. ManiaVox Shooting Gallery. Je vais t'envoyer ça en MP, t'inquiète. Donc, n'oubliez pas le fusil de sniper de Silent Scope. Hein. Oui. De Sega. Mais après Villon, la Master System aussi avait son pistolet. Alors, la Master System, il n'a pas marqué des masses parce qu'il est toujours compatible. Par contre, on est obligé de mentionner évidemment le jeu dont tout le monde se souvient, c'est Duck Hunt. Bah oui. Énormément marqué. Bon, il était vendu avec la NES, forcément, avec la cartouche Mario, mais tout le monde connaît Duck Hunt. Moi, c'est un truc qui m'épate. Bah, Chou, t'as déjà dû voir ça dans les expositions. Tout le monde connaît Duck Hunt. C'est hallucinant. Ouais. J'ai même tenté de faire un truc il n'y a pas longtemps qui était de remplacer Duck Hunt par Wild Gunman, qui est un très bon jeu. Qui est bien, en plus. On le voit dans Retour vers le futur 2, il me semble. Ouais, c'est possible. Peut-être en expliquant aux gens que, du coup, voilà, on le voit, peut-être qu'ils auront... En fait, non. Au bout de 5 minutes, ils disent, non, mais en fait, le jeu est bien, mais je préfère Duck Hunt. Tu mets Duck Hunt et tu t'aperçois que... T'as beau t'adresser même à des gens qui connaissent pas le jeu vidéo, genre des gamins, des petits en bas âge, ou même des filles qui d'habitude s'intéressent pas au jeu vidéo, tu peux voir que c'est le truc, tu vois, qui est vraiment fédérateur, parce que tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire. Et dès l'instant où t'as compris que tu peux jouer sans pointer le fusil, enfin le gun contre la télé, ça devient encore plus marrant, quoi. Et t'es pas obligé de le calibrer, t'es pas emmerdé dès l'instant t'as une télé. Et puis le flingue, il est magnifique. Je le trouve c'est ça le truc, c'est que les. ces pistolets, donc la façon dont fonctionnait avec des cellules qui captent donc les zones. Parce que au moment où vous appuyez sur la gâchette du gun, basiquement, il y a une image qui fait apparaître, on va dire, une zone toute noire et un rectangle blanc. Et si le bout de votre pistolet réfléchit la zone blanche, c'est que vous tirez là où il faut. La précision est relative, mais elle est suffisante pour être amusant. Oui, oui, oui. Et voilà. Et forcément, c'est pas des jeux qui vont être d'une précision chirurgicale, mais c'est des jeux qui vont être. Ça fait le taf. Ouais, ouais. Et Bosdick a raison, c'est qu'il a, il a vraiment un bon design en plus. Le pistolet. Ah, moi, je trouve magnifique quoi. Il y en a un qui est plus rare, qui est en couleur grise au lieu du orange couleur carotte, voilà. Le gris qui est sorti à l'époque dans les packs ASD, avant que qu'ils décident que c'était beaucoup trop réaliste. J'en ai un que j'ai acheté 1€ dans un cash converteur en Belgique. Oh, ouais, réaliste, si tu regardes Buck Rogers Galactica, quoi, je veux dire, quoi. C'est un pistolet laser. Quoi. C'est... Mais ça faisait rêver, gamin. C'est bien. Bon, au niveau des... Juste une petite parenthèse rapide au niveau des contrôleurs spéciaux, un dont je n'ai pas parlé, que je vais mentionner, mais qui est très très... Alors là, on va rentrer dans la parenthèse japonaise hyper japonisante. Les Japonais, vous le savez, ils aiment les trains. Et il y a un jeu qui est extrêmement populaire au Japon qui s'appelle Densha de Go, avec contrôleur associé, ou qui est basiquement un simulateur de conducteur de train. Mais ça, c'est des choses que tu peux avoir qu'au Japon, et je trouve ça exceptionnel. Et ces gens, là-bas, croyez pas qu'il y a que 3 personnes qui connaissent ça. C'est une série qui est extrêmement populaire, qui est présente sur toutes les consoles depuis sa création. Ouais, Beyond, autant je connais le jeu, autant le contrôleur, j'avais jamais vu ça avant. C'est juste fou, quoi. Il y en a pour à peu près toutes les machines, il y a version Dreamcast, il y en a sur PS2, il y en a... C'est vraiment... Ah, c'est une institution, genre. Voilà, ah, c'est drôle, ça. Ah ouais. Voilà, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main un jour, c'est compliqué parce que c'est toujours pareil, c'est vraiment des trucs très très très spécifiques. Et puis en plus, les jeux sont totalement inabordables pour quelqu'un qui ne parle pas japonais, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ouais. Quoique maintenant, je pense bien qu'il y a dû avoir un jeu qui a dû être traduit, genre tu peux y jouer en gravant le CD de mettre dans une PS1 ou PS2. Ça pourrait être possible. Non, mais après, c'est comme d'habitude, il faut aussi avoir envie d'y jouer. Et ça, c'est encore autre chose. Il n'y en a pas un qui... Ils n'avaient pas tenté de sortir un Densha de Go en Occident sous un nom... Il me semble que si. Ils ont essayé. Qu'ils ont essayé, mais malheureusement pour eux... Je suis pas sûr. Hein. Il me semble qu'il a même été rené à une GDQ assez récente. Ah oui. Il me semble bien. Mais c'était pas vraiment plus... Go by train, non, c'est pas ça, non. C'était pas une simulation, par contre. Hein. C'était... Oui. Un truc totalement arcade. On parle peut-être pas du même jeu, mais je crois que si. J'essaie de me souvenir lequel c'est, mais bon. Oui, sur le coup, on va arriver donc à la fin de ça. C'est la dernière chose dont on voulait parler, donc d'après le titre de ce sujet ce soir, le jeu en mouvement, le motion gaming. Ah, et oui. Donc on se souvient de cette présentation choc de la Wii à l'E3. Ah mais non, mais vraiment, enfin vraiment. Ah oui. Ah non, je veux dire, ouais. Ils ont présenté la Wii, c'était waouh. Enfin, c'était waouh, pas pour moi, c'était waouh. Bah, en fait, après, je savais pas ce que ça promettait ou pas. Mais, ouais. Mais en plus, la vidéo de présentation, enfin, la première fois en tout cas, moi que j'ai vu, la première vidéo que j'ai vue, c'est la vidéo où on avait la caméra qui était à la place de la télé et on voyait les gens qui jouaient en fait. On voyait aucune image de jeu, on voyait juste les gens qui jouaient. Et on était là en mode, mais attends, c'est un truc de ouf quoi. Ils jouent au tennis là pour de vrai, enfin, ils tirent sur. Enfin, c'est. Voilà. Bon. Mais la Wii a été un vrai phénomène d'entrée de jeu. Moi, je me souviens que lorsque j'ai acheté la Wii, je fais partie des heureux primo-acheteurs de la console qui ont pu l'avoir quand elle est sortie. Mm. Et Dieu sait que Nintendo avait été short sur les stocks à l'époque. Hein. Et je me souviens que quand je l'ai eu, dans les 2 mois qui ont suivi, il y a à peu près toutes les personnes que je considérais comme des amis ou des connaissances de près ou de loin qui ont défilé dans mon salon pour l'essayer. Tout le monde voulait essayer la Switch. Ah bah oui, la Switch, oui. Je recommence. La Wii. Tout le monde, mais c'était fou. C'est-à-dire que moi, perso, Wii Sport, j'ai fait 3 parties. J'ai fait, ah ouais, bon, ok, d'accord. J'ai essayé pareil, Toilette Princess sur Wii. J'ai joué 2 heures, j'ai dit, bon, je vais l'acheter là sur GameCube. Alors mais que moi, les gens... Twilight Princess, moi, quand j'ai fait le remake sur Wii U, il me manquait la visée sur l'écran. Alors, je me souviens d'une anecdote sur Twilight Princess, comme on l'appelle, à l'époque d'un site que peu de gens ici ont connu, qui s'appelait eLive Entertainment. Je regardais un petit caster pas connu, il s'appelait Ken Bogard, et il me semble que notre ami Ken, en fait, il jouait à sa Wii en la connectant en fait sur sa borne Taito, je me souviens plus quel modèle, et il me semble qu'il en chiait quand il jouait à ça, et régulièrement je l'entendais gueuler en live qui avait tenté de rejouer à ce jeu et ça le rendait fou. Chose que je peux comprendre, je détestais Twilight Princess, mais du plus profond de mon âme. Horrible, ce jeu. Le truc avec la Wii et le motion gaming, c'est que c'est les jeux qui avaient un motion gaming acceptable, c'est la plupart des jeux qui le rendaient relativement discret. Et c'est ça qui est terrible, je trouve, avec le recul. Oui, il y a des jeux qui s'appliquaient vraiment au motion gaming, genre le point and click Zack & Wiki, par exemple, où Zack le motion Wiki. Gaming était exceptionnel dessus. Ouais. Un des tout premiers jeux, d'ailleurs. Un jeu de Capcom assez peu connu. L'autre jeu qui était bon, pareil, ça valait ce que ça valait, mais bon, le succès aussi est dans. Mais le premier Rayman et Lapin Crétin, qui s'appelait encore Rayman et Lapin Crétin à l'époque, donc Rayman est encore dedans. Oui. Oui. Montrait aussi très très bien ce à quoi pouvait servir la Wiimote. Par contre, pour parler de l'autre jeu Ubisoft qui était censé nous montrer comment on pouvait jouer avec une Wiimote... Red Steel. Coucou Red Steel. Ah, ça, c'est... C'était, je pense, pas que bien. C'était pas bien. Pour pas mal de gens. Véritablement, c'était pas bien. Mais, sinon, on peut parler de Disaster aussi, qui était un jeu qui utilisait bien le motion gaming. Moi, j'aimais bien No More Heroes. Je sais pourquoi. Il n'utilisait pas beaucoup motion gaming, mais quand il l'utilisait, c'était rigolo, en fait. Pour recharger, oui. Pour recharger, voilà, il fallait. On se rappelait nos années étudiantes. Et les finishes, les petites prises de catch au finish, ça marchait, c'était que dalle. Mais ça marchait bien. J'admets, après, j'ai quand même été content de pouvoir jouer aux deux avec la manette. Trauma Center, Cap. Ah oui, Trauma Center, c'était quelque chose aussi. Trauma Center, c'était ça. Oh, le stress. Oui. J'ai les deux, j'ai encore mal. Mais par contre, on parle de. Si vous avez envie de me marrer, il y a Surgeon Simulator sur Steam. Ouais, qui doit fonctionner du même principe. Mais on parle de la Wii pour motion gaming et tout, mais moi, en fait, je suis pas d'accord. La PS2 avec Lightoy, il l'avait fait avant. Hein. Oh merde! La PS2 avec Lightoy avait commencé à nous faire gesticuler effectivement devant l'écran. C'est vrai. C'est vrai que Lightoy le faisait Est-ce avant. Est-ce que c'était au point par contre, je sais pas vraiment. C'était vraiment des mini-jeux. Ouais. Mais ça marchait. Ils n'ont pas fait un truc qui s'appelait The Judgment après, non sur... Non. C'est ce PS3 ça. C'est PS3 ça. Ouais. Et ça c'était très bien, The Judgment, j'y jouais beaucoup. Bah sur PS3, ils ont repris ce principe d'Itoy, et puis après, ils ont vu ce que Nintendo a fait avec la Wiimote, et ils se sont dit, pourquoi ne pas les copier, bêtement. Rajouter une boule de geisha de toutes les couleurs sur une manette, fallait oser quand même. Je ferai pas de commentaires. Et à côté de ça, donc, Microsoft ont tenté d'aller beaucoup plus loin. Ah oui, avec Kinect. Ouais, ils sont toujours loin. Dans le futur d'ailleurs, toujours. C'est trop loin en fait. Le premier Kinect, le principe, donc, c'est une caméra qui capte vos mouvements, qui capte votre silhouette, qui capte. Donc vous n'avez plus de contrôleur dans les mains. Le problème du premier Kinect, c'est que la latence était dégueulasse. Il fallait un super salon. Il fallait un salon immense avec un recul immense. Manifestement, ça a été créé par des Américains pour des Américains. Oui. Non, mais en fait, quelque part, c'est normal. C'est le genre, tu connectes ça dans ton salon, mais tu vas jouer dans le désert, quoi. Il y avait pas mal de choses qui fonctionnaient assez moyen avec le premier. Moi, le premier Kinect, ça a pas duré longtemps. J'ai joué un peu à Kinect Adventure et après ça a été plus jamais. Quoi. Moi, j'avais testé le Kinect qui se jouait avec le. Il y avait pas un jeu Sonic sur Kinect. Moi, je sais pas. Je me rappelle de Kinect Star Wars avec Han Solo qui fait du Smurf et je m'en suis pas remis. Il y avait un jeu Sonic sur Wii qui utilisait la Wiimote et qui l'utilisait bien. Moi, j'ai bien aimé. Sonic and the Secret Ring. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Sonic. Et après, donc Kinect, ils ont évolué donc vers Kinect 2.0 pour la Xbox One, qui lui par contre avait une meilleure détection, plus du tout de la presque plus de latence, où tu pouvais jouer dans un salon de taille normale grâce à la réduction de focale, de la lentille, tout ça. Bon. C'était bien. Mais ils l'ont bien. Le problème, c'est que le mal était déjà fait. Ouais, c'est ça. Kinect, le truc moi qui me faisait halluciner Kinect, c'est que quand il était branché, que vous jouiez à un jeu de sport, genre NBA 2K, si vous aviez le malheur de jurer ou d'insulter la console, ça c'est le 2 ça. Vous preniez un avertissement. Ouais. Ah oui, alors ça. je trouve ça fabuleux. Parce que Kinect, oui, c'était non seulement capture de mouvement, mais il y avait un micro à l'intérieur du bazar. Voilà. Mais justement, il y a eu plein d'anecdotes amusantes comme ça, comme par exemple la publicité à la télé, où justement il y avait un acteur connu qui faisait une publicité pour Xbox, et il disait Xbox, allume-toi. Et ça allumait toutes les Xbox qui étaient autour de la télé, qui entendaient le message, évidemment. Mais ouais. Mais tu as le. Mais le Kinect V2, par contre, juste point de vue technologie, c'était un truc de ouf, ça l'est encore actuellement en vrai. La précision du bordel était assez hallucinante. Par contre, bah ouais, comme le dit Beyond, le mal était fait. Et en plus, le peu d'exemples de jeux qui utilisaient Kinect et qui étaient exclusifs à la One quand la One est sortie, donc oui, il y avait les petits bonbons Electronic Arts avec le commentateur qui faisait ce n'est pas un langage approprié, tu fais hein, quoi, il m'a entendu. Et puis il y avait le drame Dead Rising 3 où tu disais j'ai envie de manger du chou et le jeu se mettait en pause. Oui. Tu regardais ton écran, tu dis non, j'ai pas dit pause. Voilà. Non, parce qu'en vrai, et alors le problème de Dead Rising 3, c'est que non seulement ça se mettait en pause pour rien quand ça en avait envie, mais en plus on ne pouvait pas désactiver ça dans un premier temps. Et. Voilà, c'est ce que tu disais au début. Ça n'a jamais été des jeux très ambitieux, quoi, je veux dire. Bah, disons que c'est difficile de faire des jeux. Attention, il y a eu aussi des gens qui ont. C'est un peu comme avec la Wii, il y a aussi plein de monde qui a essayé de faire des jeux. Par contre, il y a eu aussi des gros cons qui ont essayé de te faire croire qu'il y aurait des trucs d'une qualité absolument. Ouais. Bah justement, on parlait de Battalion. Comment il s'appelait le jeu de Molineux là? Peter Molineux. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Milo. Putain, Milo. C'était Milo. Voilà, oui. Ah oui, Milo. Je pense que ça reste l'une des plus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est jamais fou. Mais en même temps, on parle de Peter Molineux. Le style Battalion qui est sorti compatible Kinect, c'était une catastrophe. Mais voilà, c'est ça, je veux dire, j'avais beaucoup d'espoir parce que je me dis, bon, bah, j'ai raté Style Battalion premier, tu sais, avec tout sa plateforme et tout, je me dis, bon, ça peut être intéressant. Et puis en fait, non, c'était un fiasco total. Quoi. Mais après, le truc pour Style Battalion, c'est que entre avoir un truc. En cockpit avec tous les joysticks, les boutons et tout, et avoir bougé dans l'air, la manette était mieux quand même. Bah, oui, l'immersion n'est pas la même avec la manette, t'as une immersion. Bon, ouais. T'agites tes bras dans le vent, t'as l'air d'un canard, quoi. C'est ça. Et donc, oui, c'est ça qui est sympa avec le motion gaming, c'est qu'on en parle, on dit, ouais, ça va, c'était la Wii, c'était Kinect, mais c'est mort, tout ça, on n'en parlera plus. Sauf que non, le motion gaming a jamais été aussi présent puisque c'est un des gimmicks principaux de la VR. Exactement. Le motion gaming. Ouais. En parlant de motion gaming, la Mega Drive avait son truc de motion gaming. Ah oui. Ah oui, le tapis. Là, l'octogone sans règle là. L'intercepteur. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. Oui, avec l'exemple sur Street of Rage, hein, c'est ça. Ouais. Ah là, c'est. Ah là là. Bah, le Power Glove, c'est un petit peu du motion gaming. C'est exactement ça aussi. Bon, après le Power Glove, bon, c'est en fait je le mets ça en vitrine. J'ai été étonné lors des deux dernières expos, la quantité incroyable, que ce soit des gens ou des gamins ou des adultes, hein, qui me disaient mais quoi ça sert ce machin. Du coup, t'expliques comment ça marche, mais tu dis aux gens chez toi, est-ce que t'as le droit de coller des trucs sur ta télé? Ben ils disent non. Donc là, imagine que ben, les quatre capteurs, ben, il faut que tu puisses les faire tenir sur ta télé. Mais comme c'est pas fait pour des tailles standards, ben, du coup, ben, tu es obligé de scotcher ça sur ta télé. Et du coup, tu expliques aux gens que même une fois que tu as réussi à mettre ces capteurs, il y a des chances que ça marche pas. Tu sais pas pourquoi. Et du coup, ben, tu as la réponse. Mais le Power Glove, c'était pas pour jouer. C'était juste pour avoir la classe. C'est tout. Et encore, hein, crois-moi, une fois que t'as ta main dans ce truc-là, t'as pas la classe. Pour non, pouvoir monter sur scène avec Vistin Black aussi. Mais t'as chaud et honte, mais c'était pas la classe. Donc voilà, je voulais en conclure en disant que on n'a pas fini en temps de parler du motion gaming, mais on n'a pas non plus fini d'entendre parler des manettes traditionnelles, puisque notamment sur la Switch, donc on a dit les Joy-Con, c'est pas vraiment la manette préférée des joueurs comme nous, hein, pour le moins. Et non, par contre, les manettes pro, elles ont beaucoup plus. Enfin, pour glisser un petit mot, il y a une initiative, c'est Capsilver qui nous l'a mentionné sur le Discord il y a quelques minutes. Oui. Qui pour le coup, moi je trouve ça vraiment excellent. Et on dit beaucoup de mal de Microsoft, mais sur ce coup-là, non. Il y a une manette qui s'appelle le Microsoft Adaptive Controller. Oui. On fait pas mal de choses avec. Et notamment, en fait, créer des périphériques, des petits accessoires pour éventuellement ceux qui sont en situation de handicap. Et moi je trouve l'initiative vraiment excellente. Et j'ai vu pas mal de gens, en fait, sur YouTube se lancer dans des différents projets divers et variés avec ça, et ça a vraiment l'air cool. Et en plus, c'est pas vendu à un prix excessif, il me semble. Alors, j'allais dire la brique, pas dans le sens, c'est une brique, un gros truc, mais la couche de base, ça va. Mais après, dès que vous voulez racheter un bouton ou autre, là, ça commence à monter très très vite. Par contre, après, les boutons à part, étant donné que c'est des connectiques jack, 3 mm, je crois, un truc comme ça, 3,5 mm, tu peux encore toi-même, en fait. C'est même le but du jeu. Hein, c'est 90 balles, Caps. Ok, merci. Ouais, tu peux après créer tes propres trucs et les rajouter. Il y en a déjà plein d'inventer si tu veux. Mais si tu as des besoins un peu plus spécifiques, mais ça, c'est pas aussi simple que ce qu'ils te vendent sur le papier. Mais ça ouvre pas mal de possibilités quand même. Quoi. Donc c'est une très bonne initiative. C'est intéressant maintenant. Ouais. Et je tiens aussi à faire un petit coucou. En France, on a une association qui s'appelle Handy Gamer. Propose des manettes, des contrôleurs, en tout cas, adaptés à la personne vraiment qui la demande. Quoi. Donc voilà, une personne en situation de handicap qui... Chacun est différent. Oui. Et du coup, j'ai pas vu sur Twitter, ils faisaient des trucs aussi avec le Xbox Adaptive. Ouais. C'est possible, du coup, maintenant. Mais eux, ça fait avant ce pour le Xbox qu'ils officient. Et voilà. Ils peuvent venir vous voir, discuter avec vous et voir ce qui serait le mieux pour vous. Quoi. Ah non, mais ça c'est génial. Je trouve ça vraiment génial qu'on puisse faire en sorte que tout le monde puisse jouer. C'est bien. J'espère que ça va, que les autres constructeurs vont. Ah mais j'en suis absolument certain parce que le président de Sony a fait une déclaration. Le président Sony a fait une déclaration publique justement pour féliciter Microsoft là-dessus. Bien sûr. Donc du coup, je suis certain qu'ils vont s'y mettre aussi. Mais surtout même maintenant socialement, maintenant le jeu vidéo c'est tout le monde y joue. Oui. Et quand t'es un gamin et que dans la cour de l'école t'as tout le monde qui parle du dernier jeu vidéo et que toi tu peux même pas y jouer. C'est pas parce que tu peux pas acheter, c'est parce que tu peux physiquement pas y jouer. C'est super frustrant, donc c'est super important que maintenant que tout le monde puisse jouer, donc voilà. Donc ouais, c'est bien d'en parler parce que c'est vrai, tout le monde devrait avoir le droit de jouer à Legend of Forezia. Non. Merci. Zut. Ça y est, en remplissant bingo. Quoique non, le bingo est pas vraiment complété, il faudrait que Moa parle des Everdrive. J'ai failli le faire en début, hein, mais, mais on a dit on parle que de Sega, donc je fais ok. Est-ce qu'on a fait le tour de... Et oui, donc sur le coup, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va continuer à jouer. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais... Oui, on va continuer. Hein, on refera le point dans une dizaine d'années sur ce qui a évolué dans le... On n'a pas parlé des claviers souris, du coup. On va se mettre à jouer tous les joueurs PC là. Mais qui c'est qui joue au clavier souris à part les PCistes, franchement. Ah oui, je pensais que tu allais mentionner le clavier de piano pour la NES. Quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ouais, mais alors là, c'est comme Rocksmith quoi. Est-ce que c'est vraiment un jeu? Ah bah oui, ça, non? Non, parce que le jeu c'est une méthode d'apprentissage. Hein. Oui, le jeu t'apprend à jouer les morceaux pour de vrai. Comment ça s'appelait? Miracle Miracle. Oui, Miracle. Mais c'était un bel objet, quoi. Mais il y a plein de... pour Commodore 64, je crois. Il y a plein de jeux qui ont leur propre contrôleur. Effectivement, on peut pas parler de tout, hein. C'est... Vous l'avez tous constaté, de toute façon, c'était un sujet voilà, très ambitieux. Et puis surtout, il est déjà 23h07 et je dois vous parler d'un jeu. Et ça, c'est vachement important. C'est vrai. Oui. Voilà. Bon, on garde ça la prochaine fois, ton jeu. Non. Alors vas-y. On a commencé 10 minutes en retard, ça va. Il est motivé. Bah, bon. Okay. Alors attends. On n'est pas fatigué. Allez, Beyond, raconte-nous un jeu. Ah. On va revenir en. C'est le yacht. Je suis tellement fier de ma connerie. Il est formidable. Vas-y, Beyond. On va revenir. Fin 1996 au Japon et 6 mois plus tard en 97 en Europe. J'ai envie de vous parler d'un jeu sur une console que j'aime beaucoup, même si tout le monde le sait déjà, qui est la Sega Saturn. Mmh. Et parler d'un des jeux que j'ai préféré sur cette console. Il est dans mon top 5. Et grâce à un streamer récemment qui a fait une petite partie dessus pour montrer aux gens à quoi ça ressemblait. Ah, Dark Savior. Un petit coucou à... pas loin. Un petit coucou à Begito. Begito. Je voudrais parler de Shining the Holy Ark. Ah oui. Le jeu où tu vas récolter des fées un peu partout. Donc Shining the Holy Ark, qu'est-ce que c'est ? Shining the Holy Ark, c'est un jeu de rôle à la première personne, sorti sur Sega Saturn, qui s'apparente à du dungeon crawler. Mais bon, après, il n'y a pas d'aléatoire dans la génération des donjons, tout est fixe. Mais vu que c'est vu avec la première personne, voilà, c'est une espèce de dungeon crawler tour par tour. Il fait partie donc de la série dite des Shining, entre guillemets. C'est le descendant direct du jeu Shining in the Darkness sur Mega Drive. Ouais. Qui rend le jeu beaucoup plus accessible que Shining in the Darkness, qui s'apparentait par moments à une petite purge quand même, hein, faut le dire. Ah bah, il fallait du un papier et un crayon à côté, hein, voilà, pour faire les maps. Hein. Et qui reprenait le principe donc des donjons vus à la première personne, notamment qu'on avait vu avant dans Phantasy Star sur Master System. Le jeu se passe une vingtaine d'années avant l'histoire de Shining Force 3, où donc on est dans un groupe de mercenaires qui vont rencontrer une entité qui va corrompre l'un d'eux. Ils vont devoir se battre pour éviter qu'un grand méchant revienne, tout ça. Enfin bref, comme d'hab, hein, moi les histoires. Ce que j'aime dans Shining the Holy Ark, c'est déjà la représentation graphique, c'est un jeu qui a bien vieilli. Ouais. Aussi incroyable que ça puisse paraître, avec une modélisation des personnages, avec un effet entre guillemets CG graphique, comme on voyait à l'époque dans Donkey Kong, tout ça, mais avec des animations vraiment jolies. C'est un jeu qui a des musiques de Monsieur Fesse Clavier, Sakuraba. Ah. Sakuraba Fesse Clavier. Voilà, donc le. C'est un compositeur qui en doit deux, trois petits jeux mineurs comme Mario Tennis. Du Tales of, du Mario Tennis, du Button Kaitos qui traîne par là. Voilà. Star Ocean. Cultivate Profile et tout. Et de manière générale, voilà, la team qui a fait Shining the Holy Ark et la team qui deviendra plus tard Camelot. Ça se ressent quand même. Ouais. Et ça se voit, c'est-à-dire que dans le design des personnages de Shining in the Darkness, il y a quelqu'un qui est arrivé sur le chat à Vegito et qui a dit c'est Golden Sun en 3D. Ouais, ouais. C'est exactement ça. C'est vrai, hein. c'est ouf, dingue, hein. Comme la patte, ça transpire complètement. C'est chouette. D'ailleurs, soit dit en passant, le producteur du jeu s'appelle Hiroyuki Takahashi. Et le premier jeu sur lequel il a travaillé en tant que producteur exécutif, c'est Dragon Quest 2 sur NES, quand même, avant justement de commencer la série des Shining chez Sega. Et donc c'est une des figures les plus importantes aujourd'hui de Camelot. Et comment dire, qu'est-ce qui fait que ce jeu est bien ? Déjà, il est passionnant, c'est-à-dire que le système d'autocarte qui manquait totalement à des vieux jeux comme Fantasy Star ou comme Shining in the Darkness. Et là, pour éviter que vous vous perdiez de manière stupide, ouais, ouais. Il est suffisamment abordable pour t'encourager, mais suffisamment difficile pour te donner quand même par moment. Et en particulier, on a une grosse montée de difficulté, mais comme souvent avec les RPG japonais, sur la fin ou les dernières séquences, et en particulier les derniers boss, il va falloir farmer. Hein, je vous cache pas. Il faut grinder, hein. Il faut super grinder. Ouais. Comme tu as dit, il y a un système de fées. Alors ça, c'est rigolo. Ah, je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne, parce que c'est marrant. J'ai adoré ça dans le jeu. Il va falloir chercher. Alors, l'interface de Shining the Holy Ark, c'est comme toujours avec la série des Shining, entre guillemets, c'est la même interface. C'est-à-dire, vous avez toujours ces quatre petites icônes en bas de l'écran, très explicites. Ouais. Avec du menuing qui est parfois un peu réverbatif, notamment pour se passer les objets entre personnages. C'est un peu, des fois, un peu bon. Ça fonctionne, mais c'est pas foufou. Et donc, la possibilité de regarder et de chercher dans plein d'endroits. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a des endroits qui vont paraître un peu suspects ou alors chercher, et on va trouver dans certains endroits du jeu, cachés, à gauche et à droite, des fées, des pixies. Les pixies sont au total de 50, il y en a 10 différentes dans 5 catégories. L'idée, c'est que lorsque vous commencez un combat, l'ennemi qui apparaît devant vous apparaît de 5 manières différentes. Soit il arrive de la droite, soit de la gauche, soit du haut, soit du bas, soit de la profondeur. Et en fonction de l'endroit d'où arrive l'ennemi, si au début du combat vous avez choisi les bonnes fées et que vous les lancez, vous allez faire des dégâts préventifs et ces fées vont vous donner du loot supplémentaire et de l'expérience supplémentaire à la fin du combat. Ce qui permet donc, en plus de système tour à tour très classique, d'avoir vraiment cette dynamique qui fait que vous pouvez très rapidement changer, passer d'une pixie à l'autre quand vous voyez l'ennemi arriver, ou vous pouvez changer de pixie à tout moment en vous disant « là, je suis dans un couloir, donc sur le coup, l'ennemi il peut pas arriver de tel endroit ou de tel endroit, donc sur le coup, je vais plutôt choisir celle-là ». Ça amène une petite dynamique supplémentaire qui rend le jeu moins lassant, parce qu'après, ça reste qu'un dungeon crawler, donc se balader dans des donjons. Voilà. Et donc c'est un jeu que j'avais personnellement beaucoup aimé à l'époque. C'est un des rares jeux Saturn auxquels j'ai rejoué 20 ans après, et que j'ai aimé autant que la première fois, et sur lequel j'ai repassé à nouveau 80 heures en me disant oh, mais ce jeu il était en vrai vachement bien. Ouais. Voilà. Et je sais que donc parmi nous il y a d'autres personnes que moi qui apprécient particulièrement ce jeu. Ah oui. Bah déjà, ouais, Boss Dick, et puis moi aussi. Ouais, totalement, ouais. Je veux dire, déjà, parce que je suis très sensible à la série des Shining, hein, que j'avais découvert sur Mega Drive, et puis Shining the Holy Ark, je veux dire, avec le rendu Saturn qui donne une image tellement nette à l'écran, et comme tu dis, les personnages en CGI, avec la palette de couleurs d'une Saturn et tout, c'est super propre encore maintenant, hein, c'est vraiment très très beau. Et puis ouais. Sakuraba aussi l'a rendu une partition. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, le jeu est vraiment, vraiment bien, quoi. Est beaucoup plus, je vais dire, une petite précision, plus agréable à jouer, en fait, qu'un autre gros jeu Shining, qui est Shining Force 3, en fait, qui lui a beaucoup plus souffert de sa 3D, en fait. Alors que, justement, Shining the Holy Ark, lui, n'en souffre pas, quoi. Ouais. Par contre, il va y avoir une mauvaise nouvelle assez rapidement. Shining the Holy Ark est exclusif à la Saturn. Oui. Et aujourd'hui, pour un jeu original, c'est une bonne centaine d'euros en boîte et notice. Ouais. Sauf si voilà. Vous optez pour la version Jap, vous pourrez peut-être l'avoir moins cher. Alors, par contre, la version Jap se trouve légèrement moins chère, autour de 10 euros complet. Mmh. 10-100, c'est bon, c'est les proportions Saturn habituelles, tout va bien. Voilà. Le seul problème de la version Jap, c'est que vous allez rien comprendre, quoi, c'est tout. Mais Et voilà, le problème de la version Jap, c'est que là, par contre, on est dans du RPG. Donc, c'est uniquement pour la collection. Là. C'est la même collection. Voilà. Bah, en même temps, RPG, ouais, mais comme tu dis, c'est un dungeon crawler, donc c'est quand même jouable. Mais bon, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que dungeon crawler, c'est plus jouable qu'un RPG Jap à scénario. Ah oui. Oui, mais par contre, alors c'est là que je vais apporter une lumière et je vais vous rassurer. Donc, toujours. M'étant baladé chez Bejito et l'ayant regardé jouer pendant plus de deux bonnes heures, le jeu, à l'heure actuelle, est très bien émulé. Vraiment très bien. Il y a des jeux Saturn qui posent problème. Celui-là, est vraiment très bien émulé. Ouais. Donc, si vous voulez utiliser un émulateur, je pense que aujourd'hui un émulateur comme Mendafen arrive très bien à émuler Shining the Holy Ark pour pouvoir vous y essayer. Bref, c'était un jeu que j'ai beaucoup aimé, un des jeux de mon enfance. Et un excellent jeu. J'espère vous avoir donné envie d'y jouer là tout de suite, maintenant. Ah. Oui, là. Genre, tout le monde se jette sur un émulateur. C'est ça. Ou sur eBay. Tout le monde craque son PEL. Ouais. C'est ça. Voilà. Donc, sur ce. Merci à toi, Beyond. C'était cool. Ah ouais, monsieur Beyond. Donc, on va pouvoir refermer ce podcast du collectionneur. Numéro 54. Abonnement, cloche, pouce bleu. Voilà. Et PayPal, donation, et... tout ça. Ah oui, c'est ça, donation. Allez bien vous faire et je m'arrêterai là. Le Tipeee, le Patreon, le Kickstarter. C'est bien un truc qui me rend fou. C'est d'entendre des types sur YouTube. Ouais, donnez-moi du pognon. C'est un truc qui me rend dingue. D'accord. Mais j'ai besoin d'argent, il faut que j'achète des nouveaux slips. Non, en fait, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, généralement, ce genre de truc. Ah non, c'est juste pour m'acheter des slips. Ah bon, si c'est juste pour des slips, bon, on va ouvrir un Tipeee. Alors, yeah. Donc, merci à tous. Merci de nous avoir suivis dans le chat. Merci de votre participation. Oui, c'était cool. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah ouais. Des bisous sur les internets. Au revoir les internets. Ouais. La bonne nuit.